battery, 95%. Samsung Galaxy S7 Edge, connected. Pinzi, let a tabby numba, only pity a long honky man, double or commiss honky ma. Bien, soyez tous salués, bonsoir tout le monde. Pardonnez un peu du cadre. J'ai eu un petit retard de 10 minutes, veuillez me pardonner. C'est vendredi, donc nous avons des petits problèmes ici. Voilà, donc nous nous retrouvons tous ce soir pour le sujet. Et je vous ai promis, je veux encore vous accorder 3 minutes, le temps d'inviter le maximum de personnes. Parce que c'est une question très importante. La question est que nous appartenons à des obédiences, nous appartenons à des mouvements religieux, à des cercles mystiques. Et également, le fait d'appartenir à ces mouvements-là ou des cercles mysticaux-spirituels, cercles d'initiation, appelez-le comme vous voulez. Mais l'homme est confronté à un problème. Le problème auquel tout homme, initié ou non initié, est confronté, c'est un problème sociétal, un problème comportemental. Et les gens se plaignent même que ce sont ces grands religieux aux robes blanches. Peut-être pas comme moi, c'est une exception, parce que j'avais beaucoup de rites et de travaux à faire. Voilà pourquoi je me retrouve tout en blanc, ça n'a rien à voir avec un homme religieux. Je ne m'identifie pas comme un homme religieux, mais je m'identifie comme un initié des grands mystères et surtout un libre penseur qui évolue et qui est connecté avec la source de tout. Donc, disais-je, on entend les gens qui se plaignent. Ils se plaignent non seulement des gens qui sont dans ces milieux religieux, mais ce n'est pas possible, le type-là, il est pasteur, ce n'est pas possible, ce mec-là prie, ce n'est pas possible, ce monsieur-là, c'est un grand maître initié. Mais on ne s'y attendrait pas, mon Dieu, ce gars-là, c'est un grand bouddhiste, c'est un ganga, mais ce n'est pas possible. Il passe le temps à coucher les bandits, c'est un désordre, les femmes se retrouvent engrossées, c'est quoi cette affaire, quel est ce bordel? Effectivement, rassurez-vous, je suis au courant de tout ça. Et moi, par contre, j'ai été victime des attaques de certains frères. Oui, mais toi, qui es-tu? Es-tu un homme parfait? Hein? On connaît ta vie du passé. Heureusement, il précise bien. Oui, ma vie du passé n'était peut-être pas une vie exemplaire, mais je n'ai pas fait trop du mal aux gens, en dehors peut-être d'avoir fait la bamboula sexuelle, comme tout jeune homme. Mais en dehors de ça, je ne crois pas avoir tué quelqu'un. Bref, mais à partir de ces erreurs, justement, j'ai appris, et c'est ce que j'ai appris, mes expériences à moi, que je veux venir partager avec vous ici, afin de vous aider ici d'abord de 1, identifier quels sont ces réservoirs dont il est question, parce que le titre dit bien que comment remplir nos réservoirs. Et ces réservoirs sont situés où? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est quelque part? On va identifier où se situent ces réservoirs-là. Et de quels réservoirs s'agit-il? Et je vous ai également parlé des démons. Ben, quels sont vos démons? Chacun de nous a des démons. Maintenant, comment faire en sorte que soit on s'en débarrasse de ces démons? Mais certains démons, malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser. Maintenant, comment on peut donc, de manière positive, s'harmoniser avec ces démons, vivre avec ces démons, mais sans pourtant violer aucun principe immuable de la société? Effectivement, même les grands maîtres, vous serez surpris, que même les grands maîtres du passé vivaient avec ces démons. Mais seulement, ils savaient comment cohabiter avec ces démons-là. Voilà les grandes lignes telles que c'est parti. Donc, je vous prie d'inviter encore le maxi de personnes là, ceux qui ont des amis, invités. Chacun de vous peut inviter 5 ou 10 personnes avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et nous continuons toujours en musique. Et je vais utiliser uniquement les chansons de ceux dont je n'ai pas des droits d'auteur. On ne va pas m'exiger des droits d'auteur pour me calboigner. Donc voilà. Le temps pour nous de nous détendre, je vous prie d'inviter le maximum de personnes afin que nous rentrions en plein dans notre live de ce soir. Je vous promets, on va faire l'effort, je ferai l'effort de parler moins et d'être moins technique et vous permettre de poser plus de questions. D'accord? Car c'est sur ce que nous allons pouvoir nous entendre. Vous permettre de poser plus de questions et que je puisse parler moi. Donc, voilà, nous allons passer encore 3 minutes et 50 secondes. Mabunda maropindi marenjambiye, mabunda maropindi mimapepa. Magenjambe, magenjambi njambiye, mabunda maropindi mi mapepa. Mabunda maropindi. Mabunda maropindi magenjambe njambiye, mabunda maropindi magenjambe njambiye. mabunda mawo pindi mi mapepa. Magenzambe, magenzambi nzambi ye, mabunda mawo pindi mi mapepa. Magenzambe, magenzambi nzambi ye, mabunda mawo pindi mi mapepa. Ipenda, ipenda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ipenda, ipenda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ipenda, ipenda, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge yao. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timo nyenge. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokadikadie. Mobongo angadie mokadikadie. Tata nzambe, mobongo angadie mokadikadie. Mobongo angadie mokadikadie. Tata nzambe genwe. Mobongo angadie mokadikadie. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo angadie mokadikadie. Tata nzambe. Mobongo angadie mokadikadie. Mobongo angadie mokadikadie. Nijonga na meka. Mobongo angadie mokadikadie. Yata mohombo. Mobongo angadie mokadikadie. Otata nzambe, nzambe, nzambe. Mobongo angadie mokadikadie. Otata nzambe, nzambe, nzambe. Mobongo angadie mokadikadie. Nzambe na genungwe. Mobongo angadie mokadikadie. Otata nzambe. Mobongo angadie mokadikadie. Otata nzambe, nzambe, nzambe. Mobongo angadie mokadikadie. Otata nzambe, nzambe, nzambe. Mobongo angadie mokadikadie. Merci beaucoup à Mama Poussi. Et effectivement, dans sa chanson, vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien écouté, il s'agit de rehausser Tata Nzambe dans sa plus haute dimension. Et quand on rehausse Tata Nzambe dans sa plus haute dimension, cela donc nous rappelle que nous sommes d'origine divine. Étant d'origine divine, d'abord avant de m'enchaîner tout de suite, de rentrer en contact direct avec mes génies, pouvez-vous me confirmer si vous me voyez bien clair? Peut-être parce que la Bible en là est en train de flouer, mais à rendre l'écran flou, je ne sais pas. Est-ce que vous me voyez tous très bien? Avant que je continue. Ok, so you saying yes. Vous me voyez bien clair? C'est bon, merci. Alors, Tata Nzambe, c'est comme ça nous l'appelons chez nous. Au Congo, on l'appelle ainsi. En Angola, on l'appelle ainsi. En Afrique du Sud, c'est proche. Et c'est lui, l'être suprême. Même la réunion du mois de novembre, octobre-novembre 1883 à Berlin. Merci beaucoup. C'était toujours le terme Nzambe qui avait été utilisé par le roi belge, Léopold II, Nzambe. Alors justement, nous sommes là pour faire tout le possible de pouvoir rentrer en communion avec lui. Et cette communion avec lui nous permet d'éviter de vivre dans le questionnement, d'éviter de vivre loin de lui et nous retrouver ainsi comme un enfant orphelin. C'est pour cela que l'homme a trouvé des voies et moyens, la religion, les cercles initiatiques, les cercles spirituels, les réflexions. Et votre humble serviteur n'en échappe point à cette règle. J'ai mis en place cette chaîne de Tata Nzambe le Tout-Puissant Kan, afin de promulguer et surtout la protection du bois sacré appelé l'Iboga, et aussi par rapport à la somme des connaissances que j'ai, dont je vous prie de vérifier sur cette même chaîne ici, ma biographie. Donc, accumulant autant de connaissances et initiations reçues ça et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être certains qui peuvent être intéressés. Je ne veux pas me comporter en égoïste, parce que la plupart des initiés, je vous informe, que n'aiment pas partager. Mais j'ai pris ce risque et je continue toujours à prendre ce risque. Je suis exposé à toute attaque, rassurez-vous. Donc, les questions fondamentales aujourd'hui, quels sont les réservoirs, quelles sont les fuites qui sont en nous, quels sont les démons? Est-ce que Dieu nous a créés avec des réservoirs? Mais de quoi monsieur nous vient nous parler? De quoi monsieur Moiré vient nous parler ici-là? Donc, on a des réservoirs en nous. Oui, je vous l'ai promis, j'ai promis cela. Suite au dernier enseignement que je fais il y a 5 jours, nous avons des réservoirs. Et justement, c'est par l'identification de ces réservoirs que nous pouvons mieux trouver les voies et moyens pour trouver des voies et moyens afin de nous rapprocher de Tata Nzambe. C'est-à-dire de vivre quand même dans cet état de sainteté. Car être saint ne veut pas dire qu'on est parfait. Il faut le retenir, puisque il y a des anges qui sont saints, mais ne sont pas forcément parfaits. Il y a des démons qui sont saints, mais ne sont pas forcément parfaits. Donc, il faut mettre la nuance entre parfait et saint. Donc, dans cet état de sainteté, nous voulons nous rapprocher de Tata Mwanga, Tata Nzambe le Tout-Puissant. Nous voulons nous rapprocher donc du divin, en d'autres termes. Mais malheureusement, l'homme fait face à beaucoup de choses. Et là, donc, je vais faire un petit rappel mystico-spirituel historique sur notre existence, l'être que nous sommes, l'être humain. Et comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas dans un livre que j'ai lu ceci, mais ce sont mes propres expériences. Et dans mes propres expériences, je suis arrivé à la conclusion que l'être humain, c'est cet esprit qui exprime l'être-té, qui exprime donc l'esprit fondamental, universel, dans ce petit corps. Donc, en aimant l'homme que nous voyons, n'est que Dieu manifesté. Et cette manifestation est passée par la transformation. Donc, l'homme que nous sommes esprit au départ. Et nous le sommes. Mais c'est l'ignorance qui nous encrasse. C'est l'ignorance, laquelle ignorance résulte des programmations dont nous avons été victimes. Ces programmations, ce sont des dogmes. Ce sont des informations, mais des informations déformées. Des informations déformées veut dire que il y a ceux qui maîtrisent l'hermétisme. Hermès Trismégiste avait écrit, il y a ceux qui maîtrisent le monde des arcanes invisibles, les arcanes secrètes. Mais ceux-là même qui avaient laissé ces connaissances-là, aujourd'hui, on ne retrouve plus l'originalité. C'est pour cela que je parle des informations déformées. Les informations déformées sont telles que heureux est l'homme qui réussit à maîtriser ses émotions, ses actions et être maître de son destin et être au contrôle de l'univers. C'est une quotation qui n'est pas mienne, mais que j'ai puisée dans un livre. Un vieux livre qui date de plus de 5000 ans. Celui qui a un plus rude combat à faire est celui qui travaille à se vaincre lui-même. Fin de citation. Alors cela veut dire quoi? Il faut apprendre à se vaincre soi-même, veut dire que c'est d'abord reconnaître que nous sommes esprits. Au commencement, nous étions esprits. Et de cet esprit, nous nous sommes matérialisés, nous nous sommes incarnés. Et ça, tout le monde devait le savoir. Nous sommes esprits, tous, nous sommes des sens spirituels. Donc, dans cet état d'esprit, des sens spirituels, nous sommes venus par des mouvements de transformation. Il y a eu beaucoup de mouvements. Donc, le mot mouvement, ça véhicule déjà un déplacement. Et transformation, ça véhicule également un mouvement. Parce que les deux mots, mouvement et transformation, c'est deux mots différents. Je ne veux pas être trop technique, je vais bien l'expliquer. Au commencement était l'esprit. Ainsi, il est écrit dans quelques livres que vous avez lus sûrement, qu'au commencement était l'énergie. Au commencement était la parole. Et cette parole ou cette énergie était Dieu. Était avec Dieu. Et ensuite, cette énergie ou cette parole prit chair. Et elle vint au milieu des hommes. Mais quand cette parole est arrivée au milieu des hommes, elle a amené avec elle un taux vibratoire elle a amené avec elle un taux vibratoire très lourd. Et ce taux vibratoire très lourd, c'est ce que j'appelle la transformation, jusqu'à la matière. Mais son taux vibratoire est tellement lourd que, ajoute l'évangéliste Jean, que cette parole finalement devint la lumière. Mais quand elle devint la lumière, elle apporta la lumière. Mais cette lumière gênait tellement ceux qui vivent dans les ténèbres, au point où ceux qui sont dans les ténèbres étaient gênés de cette lumière. Fin de citation. À cette seule parole, je vais conclure dans ma pensée que au commencement nous étions esprit et ensuite nous confirmons cet état d'esprit à partir de l'instant où nous devenons des connaissants. Et dès lors qu'on est devenu connaissant, et j'ai toujours dit aux gens qu'il y a une différence entre un connaisseur et un connaissant. Le connaisseur, c'est celui qui lit beaucoup, qui se cultive, ce n'est pas mauvais en soi. Moi-même, j'ai lu près de 310 livres, je ne fais que vous le répéter. Mais le connaisseur, c'est celui dont, par erreur, on peut dire que, oui, il est connaisseur, mais en réalité, c'est un intellectuel. Parce que son intellect est influencé par toutes ses connaissances livresques ou de bouche à oreille, mais ne les vit point et ne les pratique point. Pourquoi il ne les pratique point? Mais parce que je ne parlerai pas des démons aujourd'hui. Il ne les pratique point, pourquoi? Mais on n'aurait pas la notion de démon. On n'aurait pas la notion de réservoir fuyant ou de réservoir à remplir, ou même l'expression réservoir. Donc, nous sommes esprits, et par phénomène de transformation, on est un esprit incarné. Conséquence, c'est moi, ça n'engage que moi, je dis, nous sommes Dieu incarné. Donc, nous sommes l'expression de Dieu, celui que vous appelez Dieu. Car, depuis la triade supérieure, langage kabbaliste, écrit par Moïse dans le livre de la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc depuis la sommité, alors, qu'était, c'est de là où tout est immatériel, tout est esprit. Et cet esprit, donc, prend pas de mutation, comme l'explique Jean dans sa lettre, de Jean chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 14. Dans cette démarche, donc, par cette mutation qui passe par 10 réservoirs d'énergie, selon la Kabbale, et ces 10 réservoirs d'énergie qu'on appelle des séphirot ou les séphirats. Donc ces séphirotes qui sont des centres d'énergie qu'on retrouve sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal décrit par M. Moïse, Moussaro, on l'appelle chez nous au Gabon. On parle de Keter. Et à travers cette descente, donc, on parle maintenant du mouvement. Donc le mouvement de Djambakana, son énergie, l'esprit fondamental depuis l'origine et la source de tout, il y a un mouvement qui s'opère. Et ce mouvement subit des transformations selon les réservoirs et selon les milieux dans lesquels il se manifeste. Car l'énergie fondamentale, l'esprit de Dieu, quand cet esprit se manifeste au niveau de la planète Saturne, ce ne serait pas la même manifestation au niveau de la planète Vénus. Ce ne serait pas la même manifestation au niveau du rayon, au niveau du soleil. Et la manifestation tout à fait matérielle, c'est la planète Terre, Malkout, d'où le nombre 10. Et je voulais vous expliquer que 10 veut dire le microcosme dans le macrocosme. Le 1 dans le tout. 0, c'est le tout. Donc, dans cette démarche, pourquoi expliquer, mais pourquoi alors expliquer aujourd'hui que tout être qui est branché sur une voie spirituelle, tout être humain qui est branché sur une religion, cherchant à s'améliorer, et même quand nous décortiquons certains livres anciens, ils nous disent que l'homme, il lui faut rentrer dans l'école de la connaissance. Pourquoi? Mais comme je l'ai dit, c'est celui qui mène un rude combat. C'est celui qui mène un rude combat en lui. Celui qui travaille très dur à se vaincre lui-même. C'est celui-là alors qui a fini par accomplir l'universalité ou la manifestation de Dieu en lui. En d'autres termes, il a réussi à devenir un avec le tout. Mais on parle, c'est des mots très forts que j'ai écrits. Rude combat. Retenez cela. Rude combat. Qui travaille à se vaincre lui-même. Le verbe vaincre, pas se vaincre. Le verbe vaincre soi-même et le verbe mener un combat rude. Ceci, j'ai écrit ces histoires, ça remonte il y a 3 ans, je vous avais bien dit. Mais je me suis dit, est-ce que ces gens-là sont prêts à recevoir ce genre d'écrit? Parce qu'il faisait nuit et puis les entités me parlaient, je ne faisais qu'écrire. Alors j'ai repris le temps de lire ça aujourd'hui. Alors, donc sur ce, voilà pourquoi je vous ai parlé de réservoir. Mais dans la véritable science, on ne parle pas de réservoir. Dans la science de la parapsychologie, la science des sciences, dans la logologie, c'est le terme, la logologie qui est la science des sciences, on nous parle du magnétisme psychophysiologique. Magnétisme psychophysiologique. Qu'est-ce que c'est le magnétisme psychophysiologique? Ça, c'est une terminologie qui aura un rapport avec cette affaire des énergies, je voulais dire des réservoirs. En d'autres termes, qu'est-ce que nous appelons le phénomène psychomagnétique en double polarité? Voilà les termes que moi-même j'ai sélectionnés. Je ferai le possible d'être concentré sur ça afin de vous aider à mieux comprendre la séquence de mon enseignement ce soir sur, d'abord, c'est quoi les réservoirs et comment justement remplir nos réservoirs. Mais si on doit remplir les réservoirs, ça veut dire que nos réservoirs ont été vidés. Mais vidés de quoi? Mais de quoi s'agit-il? Ben, je le répète qu'il s'agit bien du pouvoir psychomagnétique. Psychomagnétique. Et quand on parle de psycho, on parle de pouvoir psychique. On parle du pouvoir qui part de la tête. Et ensuite, on parle du magnétisme. Donc, il y a une corrélation. En effet, comment donc contrôler et comment donc remplir nos réservoirs? D'abord, qu'est-ce que c'est le réservoir? Le réservoir est tout simplement un contenant. Ce sont des contenants. Dans notre corps humain, permettez-moi de me lever, nous avons plusieurs corps. D'accord? Tous les corps que nous avons en nous constituent ce corps physique global. Maintenant, la localisation ou la location ou l'endroit exact où se trouvent nos réservoirs, c'est toute cette zone-ci. C'est ça qui constitue le réservoir. Mais on ne peut pas les voir. Les hindous ont appelé ça, si vous voulez, des centres, des réservoirs, des petits réservoirs ou des centres d'énergie. Ou encore des chakras. Voilà. Ils partent de la base, depuis votre pénis ou la partie du bas, la partie pelvique, on appelle ça, de la partie pelvique jusqu'à la glande pinéale. C'est là où se trouvent encastrés ou logés nos centres de réservoirs. Mais ces réservoirs-là, je le répète, partent de la base du coccyx ou dans le système pelvique jusqu'à la glande pinéale. D'accord? C'est ça les réservoirs. Chez les hindous, je vous ai aidé, ça s'appelle les chakras. Ce sont des centres d'énergie, des énergies. Chez les kabbalistes, effectivement, ils en ont aussi 7. Parce que dans la Kabbale, on nous dit qu'il y en a 10, n'est-ce pas? Mais normalement, il y en a 7. Pourquoi? Mais parce que les 3 autres ne sont pas du domaine du contrôle de l'être humain. Les 3 autres, c'est quoi? Mais c'est le premier triangle qu'on appelle la triade supérieure. Cette triade supérieure est le réceptacle de la manifestation même du pouvoir de l'énergie fondamentale ou du pouvoir du divin ou du domaine de celui que vous appelez Dieu, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra pas du tout et qu'on ne connaîtra jamais, mais que nous, nous pouvons rencontrer nous-mêmes et l'expérimenter en nous-mêmes. Donc, dans la Kabbale également, on peut dire qu'il y en a 7. Est-ce que je me trompe? Je reprends. 10, quand vous partez de la triade supérieure, Keter, Bina, Hovman, c'est 3. Rebura, Yeset, Tiferet, ça fait 3. D'accord? Onezo, Yesod, ça fait combien? 9. Malkout, ça fait 10. Maintenant, si on coupe la séquence de la manifestation de Keter sur Dat, D-A-T-H, Dat, c'est cette manifestation séquentielle qui, au niveau satellitaire, donc c'est notre tête qui représente le satellite de connexion avec la triade supérieure, pour permettre maintenant le travail de continuer dans les autres 7 triangles, les sept autres centres d'énergie. Juste une parenthèse que je voulais expliquer à propos des mots réservoir. Donc, ces réservoirs sont en nous, ils sont bien là, mais ces réservoirs fonctionnent normalement à partir de quelque chose qu'on appelle la personnalité. La personnalité. Donc, la personnalité, c'est quoi? C'est qui? C'est un être humain qui a réussi, de par son caractère, de par ses actions, de par ses habitudes, ses pensées, un assemblage, je pourrais dire, beaucoup d'éléments, forment ce qu'on appelle la personnalité. Et cette personnalité, donc, renferme un ensemble de données. C'est très important. Je m'arrête ici pour continuer. Donc, vous avez tous retenu que maintenant, le réservoir, donc, est là en nous. Et c'est ce réservoir, en fait, qui forme notre personnalité. Par ce qu'on appelle en science le système psychomagnétique. Donc, ce système psychomagnétique, c'est simplement la manifestation de votre personnalité. Vous pouvez avoir une personnalité poignante, une personnalité errante, une personnalité de haute influence, une personnalité puissante, une personnalité dangereuse, une personnalité bizarre. Ça n'a rien à voir avec la personne. Est-ce qu'on est là ensemble? Maintenant, je vous ai identifié le réservoir. Mais comment il devient vide? Mais il devient vide sur deux facteurs. La personnalité n'est pas innée. Ça, il faut le retenir. Quand vous naissez du ventre de votre mère, c'est-à-dire par système incarnatoire, et là encore, tout dépend de vos mutations incarnatoires. C'est-à-dire, tout dépend de la somme d'incarnations que vous avez eues de manière consciente avant d'être ce que vous êtes. Mais sinon, la personnalité n'est pas forcément innée. D'où je disais hier que vous pouvez changer votre destin. Parce que la personnalité aussi a un rapport avec, parfois, le destin. Parce qu'au jour de votre naissance, les astres et tout cela, les mouvements des astres, ont influencé votre arrivée incarnatoire dans un nouveau corps. Donc, cela est clair. Ceci donc étant, les fuites, elles sont notoires. On note ces fuites-là à partir de votre comportement. Et c'est ce que j'appelle le compartiment comportemental. Dans ce compartiment comportemental, il y a un ensemble de données qui nous permettent de comprendre et de tout de suite savoir, avec sagesse ou sans sagesse, ni sans connaissance aucune, de reconnaître que Madame X ou Monsieur, Madame Y ou Monsieur X vraiment a une mauvaise personnalité. Ce n'est pas quelqu'un vraiment de bonne compagnie. Voilà comment, tout de suite, on sait que cette personne... Maintenant, nous qui sommes initiés, on parlerait de réservoir. J'en reviens sur ce terme. Le réservoir, donc, l'ensemble de toutes les chambres qui sont en vous, tout simplement, faites de vous vos points caractériels, faites de vous la personnalité, votre personnalité. Ça peut être positive ou négative, mais généralement, c'est à partir de vos émotions et à partir de vos sens. C'est ça qui forme soit un réservoir vide ou un réservoir rempli. Maintenant, le contrôle donc de ces énergies, et là, je réponds maintenant comment? Mais c'est par le contrôle de vos énergies psychomagnétiques. L'économie de celles-ci, économiser ces énergies, les contenir, les accumuler. Mais là, un commun des mortels ne comprendra pas ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce que M. Moreau nous vient dire? Waouh! Il parle de du contrôle des énergies psychomagnétiques. En d'autres termes, du contrôle de la descente de l'esprit fondamental en soi, parce que cet esprit fondamental est un esprit parfait, un esprit saint, mais qui va pouvoir rentrer dans un corps, lequel corps est exposé par le corps le plus grossier, le corps physique qui est exposé à la matière, exposé à travers les cinq sens, ce qu'on appelle à travers des étapes sensorielles et extrasensorielles. Cet esprit rentre dans ce corps-là, mais le corps est exposé déjà à tout cela. Alors que depuis Keter, il ne connaît pas ces difficultés-là. Vous avez sûrement entendu parler des initiés qui disent que la planète Terre est une école et qu'il nous faut évoluer dans d'autres planètes qui sont plus avancées, telles que la planète Vénus 4, où les gens me prennent de fou, que vous pouvez visiter, mais après un bon niveau spirituel. Donc, vous devez contenir ces énergies. Et là, je vous parle maintenant d'énergie. Quand il s'agit du réservoir. Donc, comment remplir notre réservoir, ou bien comment remplir nos réservoirs? On le remplit, c'est par le contrôle de nos énergies, nos énergies psychomagnétiques. J'expliquerai ce que ça veut dire dans un français terre à terre. Donc, par le contrôle des énergies psychodynamiques, psychosomatiques, l'économie de celles-ci, contenir celles-ci, les accumuler. Et ensuite, parfois, les religieux appellent ça la destruction du vieil homme. Chez les religieux, ils disent, il faut détruire le vieil homme. Il faut faire mourir le vieil homme. Pour les initiés de l'ermitisme, ils vous parleront, il faut passer par une alchimie spirituelle. Selon M. Balsamo, le fondateur du Saint, je parlerai également dans le Saint-Martinisme, on nous parle de cela aussi. Le Saint-Martinisme est une branche de la Rose-Croix. Là-dedans, on vous parle également de cette alchimie spirituelle. Tout ceci dans le but toujours de rentrer dans le même sens. Comment remplir notre réservoir d'énergie psychomagnétique et voire même notre réservoir psychodynamique. Je préfère utiliser le mot psychodynamique car notre réservoir psychodynamique a un rapport avec une personnalité positive, efficiente, étant l'image de Dieu, comme dans le langage religieux, ou encore étant l'image de celui-là qui devient un connaissant. Le connaissant, c'est celui dont la connaissance a transcendé et elle, où il devient cette connaissance. Donc, la personne pratique, contrôle, économise toutes les énergies psychodynamiques et elle vibre sous un taux. Là encore, je reviendrai sur l'expression de vibration de taux, fréquence vibratoire. Donc, votre fréquence vibratoire en fonction du taux part justement de la maîtrise, du contrôle de vos énergies psychodynamiques, parce que c'est ça, ce sera cette énergie psychodynamique dont vous avez besoin pour avancer dans le monde de la spiritualité. Donc, en vue de détruire le vieil homme, comme je le disais. Là, bien sûr que ça ne va pas tout seul, il y a des exercices à faire. Je ferai quand même l'effort de vous amener ici à partager avec vous quelques exercices que vous pouvez faire chez vous. Ce sont des exercices psychodynamiques, ce sont également des exercices spirituels, il y aura également des exercices physiques, parce que tout cela, il faut créer une harmonisation absolue afin de pouvoir commencer à remplir vos réservoirs. Ou en d'autres termes, afin de vous aider à ne plus pécher. Parce que c'est la même chose. J'espère que je n'ai pas offensé mes frères religieux. À ne plus pécher. Vivre en harmonie avec soi-même et avec autrui. Donc, il y a des exercices de respiration contrôlés. Il y a des procédés, par exemple, d'absorption du souffle. Absorber le souffle. Ce sont des vieilles techniques tibétaines qui m'ont été léguées par quelques maîtres tibétains dont j'ai hérité dans le pranayama yoga. Je partagerai cela avec vous. Et en fait, ces exercices autour de l'absorption du souffle, ça, c'est ce qui renforce beaucoup plus votre dynamisme spirituel. Il y a également ce que j'appelle notre pensée. Notre pensée centrale. Qu'est-ce que j'appelle par la pensée centrale? La pensée centrale, en fait, c'est la pensée contrôlée, la pensée dynamique. Cette pensée dynamique est une pensée spirituelle qui a réussi à canaliser toutes les énergies. Canaliser, économiser, contrôler, maîtriser. Là, vous avez ce que j'appelle la pensée centrale. Mais sous cette pensée centrale, il y a d'autres pensées sous-jacentes, c'est-à-dire les pensées multiples extérieures. Car en réalité, tout être humain sur Terre ne pense pas. Ça va vous surprendre. Parce que quelqu'un a dit, je pense donc je suis. Mais dans cette philosophie de je pense donc je suis, c'est une expression de la pensée centrale. Mais cette pensée centrale, elle a été déjà contrôlée. Elle a été centrée. C'est-à-dire que c'est votre énergie psychodynamique qui a été déjà contrôlée, donc au niveau de votre pensée centrale, qui est en fait cette pensée centrale, elle est l'agent contrôleur de toute autre pensée. Cela est très important. Donc, votre pensée centrale, disais-je, c'est elle qui, une fois bien entraînée, les autres pensées forment. Les pensées forment, c'est qui? Mais c'est M. Madiba, oh, pardonnez. C'est Monsieur Maviora qui est au village Ndougou. Il pense se suicider, mais n'arrive pas à commettre l'acte. Alors, Monsieur Makambo, qui se trouve à Pointe-Noire au Congo, à cause du phénomène du voyage dans l'espace et le temps de la pensée, et la pensée est un être vivant, j'ai un enseignement ici où j'explique ça, la pensée est un être vivant car cette pensée, ce n'est pas une pensée dynamique quelconque qui vient par hasard, mais c'est quelqu'un qui l'a projeté. Alors cette pensée devient une pensée forme. Mais cette pensée forme ne peut pas avoir effet sur vous quand vous avez ce qu'on appelle la pensée centrale. Et je vais vous montrer bien sûr, étape par étape, comment vous pouvez développer cette pensée centrale. Bien sûr, il y a des techniques qui s'y ajoutent, la méditation transcendantale. Là encore, je ne parle pas de méditation simple, je vous parle de la méditation que nous appelons dans le yoga, le pranayama yoga. Et c'est cette méditation transcendantale qui est une méditation à la fois oculaire, positive, par la pensée centrale, mais qui vous permet de voyager dans l'espace et le temps, d'être un avec le tout, c'est-à-dire le nombre 10. D'où la notion de yoga qui veut dire la souplesse, l'esprit dans le tout. Donc, cela donc, comme je le disais, va consister pour vous donc de surveiller toutes les pensées formes. Mais les religieux disent quoi? Mais le temple de Dieu, c'est vous. Et votre rôle, vous êtes le prêtre de votre temple. Mais vous, quand vous êtes prêtre de votre temple, vous êtes à la fois le gardien de ce temple. Vous êtes à la fois ce qu'on appelle en anglais le watchman. Mais le watchman, watching what's going on, the watchtower, s'assoit et s'assure qu'il n'y a pas d'étrangers qui rentrent. Mais celui qui s'assure qu'il n'y a pas d'étrangers qui rentrent, il s'agit bien de votre pensée centrale. Mais ici, il ne faut pas chosifier la pensée centrale. La pensée centrale, c'est vous, en tant qu'être divinisé et en tant qu'être universalisé dans un corps matériel qui est victime et bombardé par tous ce qui passe par les cinq sens. Souvenez-vous, depuis Keter, de la triade supérieure qu'aucun humain ne peut avoir accès, donc de la manifestation divine, de l'énergie fondamentale, de qui tous nous venons, et des sens spirituels en tant qu'esprit, nous venons maintenant habiter un corps, mais lequel corps est un corps matériel, grossier, exposé, et tel que l'a conçu les dieux ont dit que ben, maintenant que l'homme est là, ben, nous allons mettre en lui le souffle de vie, et Dieu insuffla dans les narines de l'homme le souffle de vie, et l'homme devint finalement une divinité. Mais par cette divinité, ben, la divinité maintenant va habiter ce corps matériel qui a été fait à partir de la terre. Poussière, tu es poussière et tu n'es pas la poussière. Mais cette terre, en elle-même, elle incarne tous les désirs. Les désirs qui passent par la vue, les désirs qui passent par la chair, les désirs qui passent par le toucher, l'odorat et tout autre, donc les cinq sens. Alors voilà pourquoi vous, en tant que pensée centrale, être divinisé, être universalisé, devenant un avec le tout, votre rôle va consister à surveiller ces pensées-formes. Les pensées-formes, c'est ça qui contribue à créer des trous dans votre réservoir ou à créer des trous dans vos réservoirs. Comment les trous se créent? Mais les trous se créent, c'est par le manque de maîtrise, c'est par le manque de contrôle, justement, de ces pensées-formes ou de ces énergies négatives. Donc, énergie dynamique ou l'énergie psychodynamique et la pensée centrale, c'est la même chose. Deux expressions, mais qui expriment la même chose. D'accord? Et c'est ainsi que je suis arrivé avec ma pensée là, qui disait que celui qui mène un combat rude et qui travaille à se vaincre lui-même et à vaincre, alors celui-là même est ce mec qui va prendre la couronne du royaume. Alors, maintenant, ce travail-là contraste, je dis bien contrairement à ce que les religieux disent, ce travail-là n'a rien à voir avec Dieu. Oui, j'ai vu certaines personnes qui vous diront, mais diront, Galates chapitre 5, du verset 16 jusqu'à 19, 22 jusqu'à 24, les fruits de la chair, d'abord les fruits de l'esprit sont, blablabla, et les fruits de la chair sont, ben, l'adultère, le mensonge, oh non, Seigneur, je ne peux pas. Alors, ils ont créé un passage biblique qui dit, il faut prier l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vous aide. C'est le seul qui peut vous aider. Mais cet Esprit Saint, c'est qui en réalité? Mais c'est qui? Mais c'est cela qui s'explique par au commencement était l'énergie. Donc, c'est la force transcendantale active, c'est l'esprit original qui s'incarne dans un corps. Donc, ceci donc étant, ce travail, disais-je, ne dépend pas de vous. Et plutôt, ne dépend pas de Dieu ou de, je ne sais pas, de l'Esprit Saint. Puisque votre pensée centrale est là, et cette pensée centrale qui est votre divinité exprimée, votre esprit universalisé en vous, maintenant va vous permettre donc de surveiller toutes les pensées formes. Parce que toutes les pensées formes, ce sont des entités réelles. Ce sont des êtres vivants réels qui pensent mais qui n'agissent pas. D'où le phénomène de l'inspiration et aspiration. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur ça. L'inspiration et l'aspiration feront de vous un véritable être équilibré. C'est pour cette raison, moi, ma pièce maîtresse et ma véritable science où j'ai beaucoup évolué spirituellement, c'est la méditation. Transcendantale, j'ajouterai, pas une simple méditation. D'accord? Car celle-ci, elle est une méditation transformatrice. Alors, le travail donc ne dépend pas de Dieu, mais il dépend de votre volonté. Ce travail dépend de votre volonté et de la force de votre caractère. Il faut savoir dire non, il faut savoir dire oui. Il faut savoir choisir et distinguer que ceci peut me faire du tort ou plus ceci peut me faire du mal. Donc, plus vous allez accumuler et maîtriser toutes ces énergies psychodynamiques, plus vous avancez dans la maîtrise des énergies psychodynamiques, plus vous renforcez votre volonté par un travail intense, et dont je vais vous donner quelques exercices, et votre caractère, vous le renforcez en adoptant un compartiment comportemental aigu. Là, j'utilise des mots trop forts. Ce n'est pas de ma faute, ce sont eux qui me les soufflent. Qu'est-ce que c'est donc un compartiment comportemental aigu? Ça veut dire, vous allez donc désormais mettre en place un un code de conduite qui fera de vous un être assez différent du commun des mortels. Voilà le mot approprié. Un commun des mortels, c'est celui qui n'est pas initié dans la vie des mystères, dans les mystères de la vie. Comprenez? Il y a une différence entre un initié des mystères et un simple initié d'une djembé, un simple initié du bouti. Grande différence. Si vous voulez, vous me poserez des questions, je répondrai à cette question, je serai bien volontaire à vous répondre. Donc, l'habitude d'une telle manière, l'habitude d'une telle manière de devenir un devenant, voilà encore une autre expression, l'habitude d'une telle manière de devenir un devenant fera de vous finalement, va vous donner un nouveau code de comportement parce que vous êtes devenu un devenant. Parce que le devenant, souvenez-vous, c'est effectivement c'est cette alchimie interne qui vous transforme par la destruction du vieil homme afin de permettre en réalité l'homme ancien, mais que vous appellerez l'homme nouveau, afin de permettre l'intégration de l'homme nouveau. Mais en réalité, cet homme nouveau n'est pas l'homme nouveau, mais c'est l'homme ancien qui était là depuis longtemps, mais sauf que à cause des programmations, et là encore, ça c'est une terminologie que moi-même j'ai créée, les programmations c'est tout simplement l'ensemble des connaissances qui ont fait de vous connaisseurs, mais des connaisseurs qui sont des tocards de la société. Ces connaisseurs sont des intellectuels, ils ont 1001 doctorats, mais ils continuent à détourner les caisses de l'État. C'est des intellectuels qui ont 1001 doctorats, mais qui participent au pillage de l'économie ou du développement d'une nation. Ils participent à la pédérastie et au crime rituel à travers des loges créées ça et là. Voilà ce que sont des connaisseurs. Donc, un connaisseur, c'est quelqu'un qui applique la connaissance pour son avantage et pour son éventail d'impressionnisme afin de pouvoir amener l'autre dans la confusion. Et l'autre est là, observateur, il ne fait que subir. Il se pose des questions, mais mec, ce type-là, il a 1001 diplômes, mais pourquoi il se comporte comme ça? Mais parce que c'est un connaisseur. Donc vous êtes d'avis avec moi que le connaissance, c'est celui dont la connaissance a transcendé, mais qui vit désormais selon la connaissance telle que exposée par votre interviewer, qui fait chaque jour des efforts constants, la constance dans le travail, la discipline, la régularité, la persistance. Oui, la méditation est la clé de mire qui vous permet d'être constant dans ce travail, de garder votre pensée centrale active. Car la pensée centrale, c'est la thermique centrale. Oh là là. Alors, disais-je, ce travail, c'est un travail de volonté personnelle. C'est un travail de votre force de caractère. Et quand vous allez le faire, vous prendrez d'un côté le contrôle de vos émotions, le contrôle de vos sensations, le contrôle de tout, la maîtrise de vos impulsions, que ce soit des impulsions émotionnelles qui passent par des humeurs, les pensées, etc. Et également le contrôle de vos émotions sensorielles. Mais qu'est-ce que c'est les émotions sensorielles? Mais c'est ce qui passe à travers les cinq sens. Vous voyez une femme qui passe, vous ne pouvez pas résister. Ce n'est pas interdit de regarder. Mais comme Jésus l'avait dit, je vous le dis en vérité, toi qui regardes la femme de l'autre qui passe, mais si déjà tu as le désir de la voir, même si tu n'as pas couché avec elle, mais le simple fait de penser de la voir, de toucher ses fesses, même si vous ne l'avez pas physiquement touché, il y a déjà adultère. Mais c'est de ça dont on parle que les émotions sensorielles. Ces émotions donc sensorielles va donc vous amener, comme je disais, le contrôle de vos émotions, autant pour moi, le contrôle de vos impulsions émotionnelles, sous le contrôle de vos pensées, pensées bonnes ou mauvaises, par la persistance et la constance dans votre pensée centrale, laquelle pensée centrale vous permet de continuer toujours à vibrer sur des hautes fréquences, et lesquelles hautes fréquences ne peuvent être activées que par la méditation transcendantale, accompagnée des exercices de méditation, de visualisation, de concentration et d'activation du feu, et d'activation de vos sept centres énergétiques, l'activation de vos sept centres et réservoirs de séphirotes, parce qu'il y en a 10 au total, mais souvenez-vous que les 3 autres séphirotes qui sont au-dessus, qu'on appelle la triade supérieure, n'est pas de votre domaine. Intéressez-vous plutôt de la base à partir de GAT, donc la centrale thermique satellitaire à partir de votre tête qui est en réalité l'engin moteur qui vous permet de mieux maintenir, avoir une maintenance constante, la constance encore, la discipline, la persistance de votre pensée centrale. Donc, la maîtrise, le contrôle, donc, disais-je, de ces émotions sensorielles, les émotions, et plutôt des impulsions sensorielles et émotionnelles, cela va finalement vous amener à ce que j'ai appelé tout au début, à former un compartiment comportemental. Donc, de facto, il y aura finalement une différence entre vous qui êtes un connaissant et quelqu'un d'autre qui est un connaisseur, qui vient seulement vous impressionner par des gros discours, des livres qu'il a étudiés, des livres qu'elle a étudiés. C'est bien beau de lire autant de livres, parce que ça va vous éveiller. Mais ça vous éveille seulement au niveau intellectuel. Ça ne vous éveille pas dans le plan cosmique spirituel. Ça ne vous éveille pas au niveau de la pensée centrale. C'est différent. Donc, le fait de lire les livres, moi je connais des amis à moi que je respecte, qui ont plus de livres que moi. Ils parlent, ils font des citations. Il y a même des gens qui ont créé des sectes, qui ont créé même des chaînes. Ils vous parlent des sommes de connaissances qu'ils ont accumulées à gauche et à droite. Mais ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Parce que si vous continuez à parler, mais que dans votre vie, vous êtes un tocard, dans votre vie, vous désirez les femmes, ce n'est pas mauvais de désirer la femme, mais désire une femme pour l'épouser. En dehors de la femme que tu as, tu lorgnes une autre femme. Tu n'es pas un connaissant. Tu manques du respect vis-à-vis d'un aîné. Tu l'insultes. Tu n'es pas un connaissant. Tu parles des choses que tu ne maîtrises point. Mais parce que tu as lu dans un livre. Mais qu'est-ce qui te dit que ce livre dit la vérité? Car chacun est libre d'écrire ce qu'il pense. Influence philosophique. C'est là où on a parlé des philosophies. Oui, quand j'étais en première terminale, on me disait, oui, va lire tel philosophe. Oui, je ne vous cache pas, l'un des favoris, c'était Platon. Mais parce que Platon m'a aidé justement à comprendre que l'homme n'a pas besoin de quelqu'un qu'on appelle Dieu pour avancer. Cette notion de Dieu et des religions, d'un leader qui est là pour vous manipuler psychologiquement, vous créer des manipulations psychosomatiques, c'est pour vous amener à ce que Platon appelle l'homme de la cave. Parce que l'homme de la cave ne savait pas ce qui s'est passé au-dessus de la cave. Il voyait des étoiles. Oh oui, les dieux, les dieux. Bref, je m'arrête ici. Il y a une grande différence entre un connaissant et un connaisseur. Le connaisseur, c'est celui qui continue à faire le récital, qui brandit sa connaissance pour impressionner. Et j'appelle ça l'impressionnisme. L'impressionnisme, c'est le fait d'aller impressionner les autres pour montrer aux autres que vous vous connaissez mieux alors que vous êtes un tocard. Un tocard, j'entends par là, vous ne pratiquez pas, vous ne respectez même pas les principes immuables de Teta Mwanga, le créateur des cieux et de la terre. Et c'est là où j'ai un problème avec les autres initiés. Quand vous êtes un véritable initié, des mystères, voilà pourquoi je ne fais qu'insister. C'est différent d'un initié de la franc-maçonnerie. Vous êtes initié de la franc-maçonnerie, c'est une fraternité, oui, oui, c'est l'entraide. Mais ça fait des coups bas. Parce que M. Matsatsa dit tellement de vérité. C'est un frère, on en a marre et on va donner de l'argent à M. Jacques. Vous vous rappelez de l'histoire Jacques l'Éventreur? Eh bien oui, c'est un mec qui a été payé par les maçons pour éliminer les gens n'importe comment. Vous devenez gênant. Et pourtant, nos frères disent que ce sont des gens qui sont dans la connaissance, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils sont dans la connaissance. Ils sont dans l'école de la maîtrise de la vie, n'est-ce pas? Erreur, erreur. Alors, vous devez être donc cette personne qu'on va appeler qui a maintenant un nouveau mode de vie. Un nouveau mode de vie que moi j'ai qualifié d'une nouvelle appréhension, nouvelle orientation mentale, nouvelle personnalité. Et ainsi, vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de vos paroles. Vous ne devez pas parler de manière mécanique. Quand vous parlez, vous devez penser avant de parler. Je m'explique. Et ça, je l'ai appris à l'école théocratique des témoins de Jéhovah. Je les rends beaucoup, vraiment, je les remercie pour ça. Moi, on m'a appris la base ici et je vais partager ça avec vous. Vous parlez, vous voulez parler à une masse. Et ça, on me l'a appris également dans le leadership. Auprès de M. Les Brown, qui est le plus grand psycheur du monde. C'est-à-dire, il est motivateur et il est en même temps conférencier international. Il nous a dit ceci, qu'avant de dire les mots, vous sélectionnez les mots-clés. Je prends un exemple. Pensée centrale. Et quand je dis le mot pensée centrale, je vibre le mot, je le pense d'abord avant qu'il ne sorte de ma bouche. C'est les techniques que moi j'ai apprises auprès de M. Bernard Lancelot, grand hypnotiseur de spectacle bien connu en France. Il vit à Montpellier. Je les ai appris également auprès de M. Manouri, auprès de M. Vincent Derkaoui, l'hypnotisme de spectacle. Il s'agit pour vous de savoir jouer avec la tête de l'autre, ce qu'on appelle la manipulation psychologique. Donc vous jouez avec le subconscient de l'autre. Car le subconscient est très sensible aux mots-clés, est très sensible aux mots répétés. Et c'est ça, quand je suis devenu pasteur, on m'avait appris dans le ministère chrétien, comment influencer les masses, comment mettre les foules dans votre poche. Et je l'ai également étudié dans le livre écrit par un ami allemand qui parle de la rhétorique de Hitler. Comment Hitler faisait pleurer les gens dans les foules, comment il les faisait rentrer en transe. Mais il a appliqué ce que je viens partager avec vous. Quand vous parlez, réfléchissez aux mots. Pensez, pas réfléchir, je vous l'ai dit, pensez aux mots que vous sortez. Exercez-vous dès aujourd'hui à penser aux mots que vous sortez et vous verrez l'impact de ces mots. Est-ce qu'un grand leader politique du Gabon ne vous vient pas à l'esprit? Monsieur Paul Mbabe Solo, allez-y, rapprochez-vous auprès de lui, présentez-lui ma vidéo, il va dire, oh, mais ce monsieur-là, c'est un initié, il connaît les secrets. Monsieur Mbabe Solo, c'est un expert dans ce que je viens de vous dire. La technique de la rhétorique, comment amener les foules à vous écouter. Donc, c'est ce que j'ai dit, l'une des méthodes, il y en a plusieurs, l'une des méthodes consiste pour vous, pour éviter de donner, de dire des balivernes, de dire des mots ou faire ce qu'on appelle dans un bon français du verbiage. Pour éviter ce verbiage et de blesser les consciences des gens, pour les mettre à l'aise, utiliser des mots appropriés. Si je veux m'adresser à des universitaires, je vais utiliser un vocabulaire bien approprié. Si je veux m'adresser à des villageois, je dois étudier la tradition et je dois avoir des proverbes traditionnels. Monsieur Jean-Ping Koka, lorsqu'il faisait sa campagne dans les années 2015, j'ai observé et il a appliqué tout ce que je vous dis. Cela ne fut point une surprise, comment il a fait pour gagner les élections. Mais parce qu'il applique ce que je vous dis. C'est-à-dire, penser, pas réfléchir, hein. Il y a une différence entre réfléchir. Réfléchir, c'est un ensemble de multitudes de pensées qui viennent dans votre esprit avant de pouvoir les sortir. C'est différent de penser le mot avant de le sortir. Penser le mot, penser la phrase. Voyez-vous, penser le mot, penser la phrase. Mais maman, quand vous dites tout le temps à M. Makaya, « Oh chérie, je t'aime, tu sais ça. » Vous prenez le téléphone. Allô chérie, tu sais, je t'aime. Ça s'appelle des paroles mécaniques. Ne parlez plus de manière mécanique. Ça fait partie des fuites de votre réservoir. Désormais, avant de parler, pensez aux mots. Pensez aux phrases. Et même si c'est un ensemble de phrases, c'est très important. Alors, votre train de vie devait changer complètement. D'accord ? Depuis votre milieu où vous habitez, votre lieu de travail, à l'école, partout où vous partez, il vous faut savoir désormais comment parler. Pensez aux paroles d'abord, mais ne réfléchissez pas. Je n'ai pas demandé de réfléchir. C'est là où on a tendance de créer la cacophonie. Est-ce que tu as même réfléchi avant de me parler? Ah non, c'est différent de penser aux paroles que vous allez dire. D'accord? Il y aura beaucoup plus un impact positif. Il y aura beaucoup plus un impact d'imprégnation. Un impact de changement. Et ensuite, vos paroles doivent être accompagnées de vos pensées et de vos actions. Pierre, que j'ai étudié, que j'aimais bien quand j'étais chrétien, dira des paroles sans actes, c'est un tambour vide, c'est un tam-tam qui fait du bruit. Vous partez dire aux gens, ne volez pas, ne mentez pas. Oui, nous gardons le secret dans la loge. Mais vous êtes le premier à les tuer, vous êtes le premier à les mentir, vous êtes le premier à agir contrairement à ce que vous prêchez. Ça ne marche pas comme ça dans le monde de la spiritualité. Mais si vous continuez à vous comporter comme ça, vos réservoirs sont toujours percés. Si vous continuez toujours à vous comporter comme ça, le péché, ça c'est le langage religieux, vous partez à l'église, vous partez à la mosquée, mais vous continuez toujours à agir contrairement à ce qu'on vous enseigne, rien, vous pouvez crier n'importe comment. Et il y a même certains qui ont tordu le sens des Écritures en disant « L'Esprit de Dieu, qui est la femme de Dieu, sera toujours là pour nous pardonner. » Continuez à faire les bêtises et on sera toujours pardonné. Mais vous serez toujours un tonneau vide. Et vous n'allez pas avoir accès à l'évolution mystico-spirituelle qui vous permettra de pouvoir vous immortaliser. Parce que l'objectif de tout initié, en passant par tout ce que je vous dis, c'est d'arriver à l'immortalité. Peut-être pas dans cette incarnation-ci, mais au fur et à mesure qu'on vous donne la possibilité de venir vous réincarner sur cette planète Terre qui est une école pour tous, eh bien, les pouvoirs psychomagnétiques, les pouvoirs psychodynamiques, toutes ces histoires-là vont vous aider à mieux remplir votre réservoir et d'évoluer très bien dans la vie. Bien, il y a quelque chose qu'on appelle les techniques de substitution. Qu'est-ce que c'est une technique de substitution ? Substituer veut dire remplacer. Si tu mens trop, remplace le mot mentir par vérité. Si tu voles trop, remplace le mot vol par quelque chose d'autre. Si tu es trop paresseux, remplace le mot paresseux par travailler. Si tu bavardes trop, remplace le mot bavard par un locuteur ou bien un conférencier international, mais qui parle des sujets qui éveillent les consciences des hommes et des femmes. Voilà les techniques de substitution. Substituez votre comportement. Substituez votre langage. Je commence par le comportement. Vous n'avez pas de femme, mais vous continuez à faire la cour de toutes les femmes. Mariées comme pas mariées, demoiselles. Rares sont les femmes qui sont demoiselles et qui vivent seules et même libres, même si elle est la plus vilaine de la planète. Elle a toujours un copain. Donc le fait que vous êtes libre ne vous permet pas d'aller sortir une jeune femme parce qu'elle n'est pas mariée, elle a un copain, et vous allez la charmer, vous allez faire tout, vous allez l'influencer avec l'argent, et puis vous allez la coucher, et là vous avez violé la loi du karma. Parce que, souvenez-vous, les pulsions émotionnelles, donc son cœur vibre selon Cupidon, le corps de cette jeune dame vibre pour Monsieur Victor, même si Victor ne l'a pas épousée. Mais dans le plan invisible, ce que vous ignorez par rapport à la loi de substitution, tout ce que vous posez comme acte reste là. Donc, de cette loi de substitution, il faut comprendre les conséquences karmiques, car à tout acte posé, il y a des conséquences. Substitution, dans le cas des actes positifs, continuez à poser des actes positifs, mais votre karma va s'améliorer. Dans ma jeunesse, j'allais souvent en bouée extraire les chics de maman Nina, la maman de monsieur Jean-Ping, de Kakota revient, sa tante, je crois, et l'autre vient maman Wende, et toutes ces mamans-là. J'allais extraire les chics, je les puisais l'eau dans les puits, et j'étais déjà fatigué. Là, j'ai posé des actes karmiques, mais qui, plus tard, m'ont béni. Aujourd'hui, j'ai des gens de mon âge qui sont morts, qui n'ont pas pu résister à la pression du stress qui frappe le Gabon. Mais je vous parle de, en tant qu'initié, quand vous allez utiliser les techniques de substitution, je répète que la technique de substitution va beaucoup vous aider afin de remplir votre réservoir. Alors, Je vais être pratique dans ce que je dis. Il y a un maître, je crois c'est Horus. Horus a dit ceci. Celui qui est maître de soi et du monde héritera le royaume des cieux. Celui qui est maître de soi et maître du monde, c'est celui-là qui héritera le royaume des cieux, avait déclaré Horus dans des fonds secrets, dans les initiations d'Osiris et d'Isis. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Quand vous êtes maître de vous-même, ça veut dire vous maîtrisez votre vie. Maîtriser votre vie veut dire quoi? Faire attention à tout ce que vous faites. Car si vous ne faites pas attention, ce que vous faites va vous rattraper. Et ça vous rattrape soit de manière positive ou négative. C'est toujours ça, le réservoir. Et je continue, parlant toujours du réservoir, que les actions. Maintenant, je veux vous dire, de manière pratique, de manière concrète dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui peut nous permettre de dire que vous, là, vous êtes un réservoir vide? Prenez note. Les actions que vous posez, je l'ai déjà dit. Les gestes machinaux que vous faites. Les verbes, les paroles qui blessent les autres. Les verbes qui blessent les autres. Aujourd'hui, j'ai suivi sur les réseaux sociaux une personne qui s'est mise à dire des mots trop forts à l'égard d'un papa. Écoutez, ici on ne parle pas politique, mais ce que je relève, c'est que ça fait partie de la moralité. Il y a un monsieur, ce n'est secret de personne, tous les Gabonais le savent, monsieur Jean Eyegendon, les journaux en ont parlé, qu'il est allé à la présidence de la République gabonaise rencontrer le président de la République. On a posté ça partout. Tout de suite, justement parlant de l'exercice de la substitution, au lieu de vous précipiter, parce que la précipitation fait partie des défauts que nous devons éviter. Alors, il y a des gens qui se sont précipités sans réfléchir et attendre d'abord, utiliser la sagesse comme mon petit frère Messire Nandon. Mon petit frère Messire Nandon a dit, moi, je vais parler que samedi. Donc demain, vous allez l'écouter. Pourquoi? Mais parce que c'est cela pour un véritable homme politique ou pour un homme sage. Il faut d'abord réfléchir, mener des enquêtes, s'enquérir, écouter des versions des uns et des autres. Monsieur Eyegendon, après sa rencontre avec le président, est allé chez Monsieur Jinping. Et là, on va lui poser la question. Ça n'a même pas pris 3 jours, hein. On va lui poser la question, mais comment? Nous, on a appris que vous êtes parti, maintenant vous avez changé de camp. Les gens sont allés précipitamment tirer des conclusions que M. Eyegendon s'est fait acheter. Il est allé, M. Eyegendon et M. Jinping, il paraît. Je vous parle de manière neutre. Hein. Moi, je ne fais que rapporter ce qui est écrit dans les histoires. Hein. Vous connaissez ma position. Moi, ces histoires-là, je suis beaucoup très prudent. Et ça fait partie de la substitution. Substitution. Votre homme serviteur qui vous parle, vous m'avez connu à cause de la politique. Oui, j'ai passé le temps à parler. Mais après, j'ai substitué. C'est-à-dire, j'ai remplacé. Parce que la politique, vous allez dire des choses, parfois vous dites des vérités, mais ça peut tourner à mal pour vous. La preuve, il y en a certains qui croupissent dans les prisons. La preuve, il y en a certains qui sont morts des AVC. La preuve, il y en a certains qui souffrent aujourd'hui, qui ont des problèmes de rythme cardiaque ou quoi, je ne sais pas trop quoi. Bon, bref. Monsieur Eyegendon s'est expliqué, et j'étais surpris. On lui a posé la question, on dit, mais voilà, je savais, je m'y attendais. Écoutez, je suis un ancien premier, bon, vous êtes au courant sûrement. Beaucoup en ont parlé. On a même balancé déjà la vidéo. C'est sorti aujourd'hui là sur ma chaîne, la chaîne où je parle politique, la Kobolo. L'ancien premier ministre, monsieur Eyegendon, a dit, ah, moi depuis 2010, je n'ai plus de salaire. Je n'ai plus des énumérants, des avantages que tout ancien premier ministre ou tout président de l'Assemblée nationale a. Mais c'est un arrêté présidentiel qui, à ce qu'on sache, qui n'a pas été modifié. Donc lui, il a dit, il a vu les autorités locales. Ça, personne ne lui donne la réponse. Et il est allé voir son collègue de la primature, donc l'actuel premier ministre. Elle n'a pas donné de réponse. Donc, il a jugé utile que non, il faut qu'il demande audience. Mais puisqu'avant tout, c'est le monsieur là qui est le président au palais. Nul n'ignore que M. Jinping était le président élu. Mais est-ce que ça va empêcher un citoyen normal d'aller voir celui qui est au palais pour expliquer un problème de cette envergure, de sur quoi c'est un ancien premier ministre? Non, il a expliqué, il est parti. Maintenant, le deuxième aspect, on lui a dit, bon, mais est-ce que cela va perturber? Le petit pas dit, mais est-ce que c'est moi, un petit, il y a un pauvre petit type comme moi, qui va faire en sorte que maintenant la coalition de M. Ping va tomber? Moi, je suis allé, c'est pour revendiquer mon affaire de l'argent. Maintenant, les gens sont libres de raconter ce qu'ils veulent. Bon, bref, pardonnez-moi, je ne sais pas si ce qu'il a dit de son sort, de son propre cœur, et si c'est la vérité, ça n'engage que lui, mais je ne fais que reprendre ses propos par rapport à certains résistants qui se sont empressés à l'insulter, mon Dieu, à le traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais maintenant, s'il s'avère que ce que M. Yerandong a dit est vrai, et qu'on découvre finalement que M. Yerandong, il n'est pas parti là-bas pour négocier, et que c'était pour son argent, si on découvre que c'est le cas, comment nous allons maintenant voir ou traiter ceux-là qui se sont précipités? Donc, votre réservoir peut être vide lorsque vous faites des déclarations gratuites. Lorsque vous faites la précipitation dans la vie, il faut éviter de vous précipiter. Prenez le temps d'abord d'analyser. Prenez le temps d'abord d'écouter. Et ensuite, les moqueries, ça là, ça détruit vos réservoirs. Dans tout ce que vous faites, l'impatience, quand vous n'êtes pas patient dans la vie, ça fait partie des trous du réservoir. L'orgueil, ça fait partie du réservoir. Les colères explosives, ça fait partie du réservoir. Les états colériques, c'est-à-dire une colère que vous ne pouvez pas contrôler, moindre chose, vous vous enflammez. Et je vous informe que la colère, ce n'est pas bon pour votre santé. Et dans le plan mystico-spirituel, les entités ne seront pas à vos côtés. Vous serez plutôt possédé par des entités négatives que les religieux appellent les démons. Ça, c'est clair et net. Ne jamais se précipiter pour analyser une situation que vous ne maîtrisez pas. Il y a encore d'autres là. La paresse, ça contribue à créer des trous dans vos réservoirs. Aimer, se faire voir. En un mot, l'avantardise, ça contribue à créer des trous dans votre réservoir. Piétiner ou écraser les faibles de la société parce que vous êtes directeur général, parce que vous êtes ministre, parce que vous êtes un grand quelqu'un, en un mot, ça vous donne le pouvoir d'arracher les pauvres petites. La petite était attachée à son pauvre Makaya qui lui donne quand même les 150 000 par mois. Mais vous venez taper là-bas 1 million, 2 millions. L'argent parfois détourné. Tout ça là, ça crée des trous de vos réservoirs. L'arrogance, les trous de réservoirs. Ôter la vie des animaux. Aller tuer un animal sans raison et sans autorisation de Dieu. Et je répète, tuer un animal. Que ce soit un rat qui traversait la route tranquillement, vous vous précipitez, vous voulez comme des fous, parce que vous êtes pressé à rader vous, une petite, ou bien le copain qui vous attend. Et vous osez écraser et tuer le rat. Vous avez vidé votre réservoir. Molester les chiens et les chats à la maison. Engueuler les enfants sans raison, ni excuse. Portez main aux enfants, portez main à votre époux, portez main à votre épouse, critiquez. Bref, la liste, elle est longue. Détruire les forêts. Détruire les forêts. Le cas de chez moi au Gabon, j'ai constaté que dans certains coins, mes frères pygmées se sont confiés à moi. J'ai un parent pygmée. Oui. Du côté de ma grand-mère. Donc, son arrière-grand-père était pygmée parce qu'elle est, saquée. Et Sake Simba. Donc, du côté Simba, là, c'est ce frère-là qui est venu comme ça sur ma vie. Ils se plaignent des forêts qui sont détruites. Ça, là. Celui qui est chef et qui a commandité et qui a autorisé qu'on aille détruire les forêts. Ça, là, également. Ça va vous donner des karmas, des lois karmiques. Celui que vous appelez Dieu, là, il va vous demander des comptes à rendre. Tuer les animaux, j'ai déjà parlé. Maltraiter les autres, j'ai déjà parlé. Les guerres, j'en ai parlé. Il y en a trop. Donc, ça là que je viens de vous dire, C'est ça là qui sert. C'est ça qu'on appelle un réservoir vide. Mais maintenant, dans votre vie de tous les jours, ce sont vos défauts. Waouh! Je vais conclure par les exercices pratiques. Premier exercice pratique, vous allez former une croix devant vous. Vous l'écrivez sur un papier. Il y a un enseignement que je donne là sur ça, mais c'est une révision pour vous. Parce que vous allez me poser la question, comment? Et voilà, je vous dis. Le comment là, vous écrivez d'un côté le oui. Non, le non. Donc, le non là veut dire ce que vous savez que ce n'est pas bon. Vous écrivez vos défauts, quoi. Vous écrivez à gauche. Et à droite, vous écrivez vos qualités. Maintenant, si vous avez des problèmes, contactez-moi. Mais je vous informe que je demande $160 pour cela. Ça s'appelle l'étude complète et la découverte de soi. Donc, vous allez vous découvrir vous-même. Ça vous permet de travailler sur vos réservoirs. Parce que tout être humain a toujours le côté négatif et le côté positif. Ça, tout le monde devait le savoir. Pardonnez-moi, je suis en train de chercher un document très important où j'avais écrit ces histoires-là que je vous parle. Donc, ça, c'est très important. Il faut garder cela à l'esprit. D'un côté, donc, quand vous allez faire votre croix, d'un côté, vous mettez vos défauts et de l'autre côté, les qualités. Voilà comment vous allez maintenant faire la technique de quoi? Souvenez-vous, la technique de la substitution. Technique de substitution. Du côté des défauts, hein. Utilisez la technique de substitution. Deuxième technique, pratiquez régulièrement, à raison de 4 fois par jour, les techniques de méditation simple pour les nouveaux. Maintenant, vous qui êtes avancés comme moi, là, les initiés qui me regardent, là, faites les techniques de méditation transcendantale. Les hindous appellent ça le prana, yama, yoga. Allié à cela, bhakti, jnana, yoga. Bhakti Jnana Yoga, yoga de contemplation, est allié à la méditation transcendantale. Donc, ceux qui ne sont pas dans ces histoires de yoga ou de pranayama, faites simplement la technique de la méditation. Si vous êtes chrétien, vous voulez savoir comment méditer, allez-y lire le livre de Josué chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 8. Là-bas, on vous montre comment faire cette technique-là. Oui, oui, oui. Et dans le livre de Timothée, je crois, 1 Timothée, chapitre 3, là, l'apôtre Paul également donne une recommandation au jeune ministre appelé Timothée, comment méditer dans les choses sérieuses de la vie. Car la méditation précède la mise en application des véritables connaissances qui peuvent transformer votre vie afin que vous deveniez des connaissants et non des connaisseurs. Car les connaisseurs, ce sont des gens qui se contentent de connaissances libresques, mais qui ne pratiquent pas, mais qui contribuent à la violation des principes immuables de la société et de la planète. Et ce sont tous les intellectuels qui n'ont aucune conscience des principes immuables et de l'activation de la pensée centrale qui est en nous. Ensuite, il y a également d'autres techniques. C'est la technique de visualisation qu'il faut également pratiquer. Parce que vous ne pouvez pas faire la technique de la substitution si vous ne maîtrisez pas la technique de visualisation. Se voir être en vue de refléter la véritable pensée centrale. Laquelle pensée centrale, pour me résumer, c'est la maîtrise et le contrôle du pouvoir psychodynamique, d'abord du pouvoir psychomagnétique, afin de transformer ce pouvoir psychomagnétique en pouvoir psychodynamique. Et le pouvoir psychodynamique, dans mes explications tout au début, c'est tout simplement la pensée centrale. Mais que cette cette pensée centrale, je l'ai expliqué à partir de la Kabbale. Depuis Keter jusqu'à la base Malkout, car le corps physique, c'est ça Malkout, c'est la matérialité, c'est la matière. Et cette matière, malheureusement, nous bombarde de tous les différents filtres. Il y a plusieurs trous à gauche et à droite, donc beaucoup de portes d'entrée qui passent par le corps physique. Voilà, j'en ai terminé sur ce. Il y a beaucoup à dire. Il y aura une suite sur cet enseignement, car nous n'avons pas encore fini sur l'aspect pratique. Il y a des techniques qu'on appelle des techniques d'ionisation. Il y a les techniques d'isolement psychique et physique. Ça fait partie comment vous aider à remplir votre réservoir. Maintenant que les démons là, mais je crois que les démons, vous les avez identifiés. Les démons, c'est tout simplement vos défauts. Les démons, ce n'est pas une créature au sens propre, comme les religieux le disent. Les démons, c'est tout ce qui s'accroche sur vos effluves négatives. C'est ce qui crée des effluves négatives. Vos effluves que vous dégagez, vos pensées, les actions que vous posez, ce sont des démons. Si vous êtes un menteur, vous êtes démon. Si vous insultez un papa, vous êtes démon. Vous manquez de respect aux vieux, vous êtes démon. Voilà, c'est aussi simple. Les démons, donc, ce sont tout ce que vous avez à faire comme travail de substitution afin de vous en débarrasser des démons. Mais, regardez, je vais finir pour vous permettre de poser des questions. Ces démons-là que vous chassez, rassurez-vous, ils ne fuient pas loin. Ils vous regardent. D'où mon expression de tout à l'heure. Le travail, j'ai dit quoi? Quel est le mot que je me dis? Est-ce que j'avais écrit ce mot-là sous mes méditations il y a de cela 4 ans. J'avais même dit quoi? Celui qui fait un rude combat et travaille à se vaincre lui-même, c'est celui-là qui est sur la voie de maintenir sa pensée centrale activée. Donc, les démons, ces démons que vous chassez, qui sont autres que les défauts que je venais de vous dire, le mensonge, la grimacerie, les mimiques, parler sans penser aux paroles que vous dites, le manque de maîtrise, du contrôle de vos émotions, ou plutôt de vos impulsions émotionnelles et sensorielles, des mimiques, de se moquer des gens, hein? Les rires sarcastiques, les rires moqueurs, toutes ces histoires-là, se moquer des gens, contribuer au massacre, contribuer à la tuerie de la vie, sous une forme quelconque, quelle que soit, que ce soit du règne animal, tuer les animaux sans raison, du règne végétal, aller couper les arbres n'importe comment, massacrer l'iboga, le règne minéral, vous prenez l'or, vous amenez ça n'importe où, les égaux, merci beaucoup. Toutes ces histoires-là, c'est ça les démons. Dès lors que vous allez réussir à mener ce combat rude et à travailler, à vous vaincre, alors, vous avez compris tout. C'est ce que j'ai appelé la technique de la substitution. La méditation. La prière. Oui, priez. Priez sans cesse. Pray without cease. And this is the conclusion of my saying today. This is what I'm going to say. Sorry, I said so much in French. But now, this is the main thing you need to understand on this. We have some sort of reservoirs. You see, when we talk about crude oil, refineries. In America, we have a lot of oil reservoirs. The reservoir in our system, I just showed it. I stood up and showed you. We have all these reservoirs within us. And the reservoir is what? Those are the center of energy. Those energy centers in which we have by our will, by our power, not God at all. God got nothing to do with this. You have to use your will. You have to use the self-mastery. When you know how to use your self-masteries and the will, then, little by little, you're going to replace. You remember, substitute. Substitution. It's the same word in English. Substitution. You got to substitute. Mean to replace whatever lacks, whatever weakness. And then, use the meditation, but mostly the transcendental meditation, because that transcendental meditation is more deeper than a simple basic meditation. And that meditation means it's going to put you in a position whereby your soul, your spirit will be one with the oneness. And that unity, so you got to think whatever word is coming out of your mouth, you have to think about it before you allow that word to come out of your mouth. That's the technique number one. The meditation, of course, is one of the key. The prayer. I don't care if you're a religious man. You are Muslim or Christian. Keep praying. Pray without ceasing, says the Bible. And here in America, the American version says, pray hard. Well, that means pray hard. Means you have to get rid of the demons. We identified the demons tonight. Those demons are not invisible spirits, such as the opposite of angels or whatsoever. I didn't mean that they don't exist. But we us as initiates, as people initiated in the mysteries, initiated of our traditions, what we call demons, it's just the ego. Whatever you do and hurt yourself, that's something I didn't say in French. Le respect de vous-même. Et le respect de vous-même vous dit quoi? Vous ne devez pas vous masturber. Parce que quand vous masturbez, vous jouez avec un appareil qui était désigné pour une femme. C'est le respect de soi-même. Le respect de vous-même ne vous permettra pas. Moi, je fais les arts martiaux, mais avec mon coup de poing, je ne peux pas aller taper quelqu'un. Good question. Where can we learn the transcendental meditation? Well, contact me in private. Here in America, if you're here in America, I'll give you a different centers. They have a lot of transcendental meditation centers and schools available. You can do it online, or whenever I do some seminaries or conferences, I always put that out there and show people how to do it. It's not really hard. You know what I'm saying? Yes, you may pay some money for that. Not for me, but I'm talking to folks who are going to train you on those transcendental meditation centers. So now, this is a very important subject to understand what we call the central thought. That's what I was calling in French, pensée centrale. The central thought, that's the main pillar. The main pillar which will allow you to be in control of all these forms of thoughts. Forms of thoughts means, do you realize, did you know that all these thoughts coming from folks, you don't even control, you're just sitting there and try to sit, especially when you're evading out of yourself. Evade means, to evade means you just sit there, nonsense, not thinking about none. You open up your own spirit, you open up your body. It's a kind of a neutral meditation position or posture. And guess what? You're going to have visitors. But those visitors are the real human being. But those human beings, they don't come to you physically. It's just their thoughts. All the thoughts they are ejecting in the ether. Ether. E-T-H-E-R. So they're projecting all these thoughts in the ether. And then they're traveling space and time. And if you have a weaker spirit, means if you're weak spiritually, mentally, guess what? Those thoughts going to get into you. And now, the advantage you have when you practice the transcendental meditation, when you practice the prayer, when you enforce and respect the laws, what we call the karma laws, not violating any laws in life, not killing any human being, killing any trees, killing any animals, what you do, whatever it is, it's going to reinforce what I called the central thought. The central thought, I call it, is the center pillar. And that pillar, when you refer to what I said from the beginning, is the spirit of God manifest in a human being. And the manifestation of that spirit within you, that's what can give you enough control of your emotions, control of your senses. Because our senses can lead to destroy us. Our emotions as well. The sense of humor. You know? All these anger. So many things. I'm going to just end right here. Avez-vous des questions à me poser? Merci beaucoup. Merci encore. Que Tata Monga vous bénisse. Avez-vous des questions? Parce qu'il fait chaud, il y a mon clim qui ne marche pas. Je ne sais pas, ces bandes de voyous là. J'ai demandé la maintenance. J'ai réfléchi bien. J'ai bien pensé au mot que j'ai sorti. Bande de voyous. Parce que ça fait 2 jours que je les appelle. Rien, ils ne viennent même pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bien. Avez-vous des questions pour ce sujet? Est-ce que j'ai répondu à vos préoccupations sur comment remplir votre réservoir? Et quels sont les démons? Bien. Question. Bonsoir, monsieur. Quelle est la différence entre les diverses méditations transcendantales, contemplatives, etc.? Bon, oui, il y a une grande différence. Hein? La différence se situe du fait que cette différence, elle est située sur l'orientation de votre pensée centrale. Ce que j'entends par pensée centrale, je vous l'ai expliqué tout au début, c'est-à-dire ça dépend de votre esprit, de l'orientation de votre soi, pas le moi, parce que le moi, c'est l'ego, mais de votre soi. C'est l'orientation de votre soi ou de votre esprit. Voyez-vous, transcendantale, elle est beaucoup plus avancée. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une méditation simple ou ouverture de votre esprit dans un état de neutralité absolue, avec danger en cours. Danger veut dire Vous pouvez être visité par des démons. Voilà pourquoi les religieux disent que méditation, c'est diabolique. Ils n'ont pas tort. Mais lorsque vous êtes bien entraîné, votre ouverture d'esprit vous met en connexion donc avec les autres mondes. Et c'est durant cette phase-là que la méditation simple vous permet de vous connecter avec les entités d'au-delà. Maintenant, la transcendantale, elle est différente. Elle est beaucoup plus, comme le mot le dit, transcendée, veut dire que l'esprit du haut vous habite. Mais maintenant, vous faites, quand vous faites constamment cette méditation transcendantale, ou pranayama, yoga, ça c'est une méditation plus avancée qui fait que votre esprit, vous continuez à affirmer tous les jours que votre esprit et l'esprit divin sont devenus un. C'est ainsi que nous avons une technique tibétaine, par exemple, de méditation, où nous égrenons comme font les musulmans. Nous prononçons des paroles qu'on appelle les mantras. Mais c'est à travers ces mantras, pendant que nous sommes en ouverture totale dans cette méditation transcendative, nous parlons par l'esprit et on égrène, et nous savons les mots que nous égrenons. Nous savons ces mots-là, on les répète. C'est de créer ce mariage mystique et invisible entre vous et l'autre. Donc, entre vous, en tant que soi inférieur et le soi supérieur. Maintenant, les méditations contemplatives, ou jnana bhakti yoga, c'est une méditation simple. Vous venez au milieu des arbres, vous vous asseyez, vous observez, vous regardez les arbres, vous écoutez le chant d'oiseau, mais vous rentrez en esprit dans ce chant d'oiseau-là pour permettre ce chant d'oiseau de rentrer en vous. Et pour permettre la nature qui parle, parce que la nature elle-même, elle parle. Maintenant, là, c'est la bonne saison d'ailleurs d'aller dans les bois. Et là, tout à l'heure, dès que je finirai avec vous, je vais aller là-bas dans les bois. Là. Donc, c'est là où la nature vous parle. C'est ça, le yoga de contemplation. Contemplation veut dire contempler. Donc, vous regardez, mais en même temps, vous êtes en phase de méditation. Maître, j'ai compris l'essentiel du live, mais pourriez-vous revenir sur la pensée centrale que je n'ai pas bien suivie? Bon, oui, je disais la pensée centrale. Qu'est-ce que c'est la pensée centrale? La pensée centrale, en fait, c'est vous. Vous, en tant qu'être divinisé déjà, en tant qu'être éveillé. Parce que la pensée centrale, c'est la maîtrise de la pensée, c'est la maîtrise de votre esprit. Votre esprit s'est tellement maîtrisé que vous avez réussi à maîtriser votre pensée, alors j'appelle ça une pensée centrale, car elle est au centre de tout maintenant. Ce qui fait que quand vous avez une invasion des pensées formes, comme je le disais, les pensées formes, ce sont des pensées qui se baladent dans l'éther, dans le monde invisible, dans l'astral. Voyez-vous, là je parle seulement de la pensée, je ne parle pas de quelqu'un qui consciemment biloque ou bien sort un vampire ou fait une sortie astrale. Donc, la pensée donc centrale, c'est celle-là, c'est la pensée, c'est le niveau dans lequel l'homme a réussi à transcender la divinité en soi. C'est-à-dire que vous avez maintenant conscientisé votre divinité. Votre soi inférieur est devenu avec le soi supérieur. Et ça, vous n'avez pas besoin d'être troisième degré. Même au deuxième degré initiatique, vous êtes déjà dans cet état. C'est-à-dire que c'est ce que les religieux appellent dans le livre d'Ézéchiel, que Ézéchiel était devenu quoi? Il était devenu le watch, en quelque sorte, le gardien de la tour. Il était là au-dessus. Il était au-dessus de la tour, il pourrait voir tout ce qui était autour. Ce qu'on appelle en anglais the watchman on the watchtower. Donc, cette pensée centrale donc, fait de vous maintenant un être, peut-être que le mot n'est pas approprié, mais je crois que c'est proche de ce mot. Vous devenez un illuminé. Un illuminé, c'est celui dont la lumière divine a baigné. C'est celui dont le soleil mystique de Theta Mwanga a complètement brûlé. Donc, brûlé les vieilles pensées, tout. Donc, votre pensée centrale, c'est-à-dire que votre âme maintenant est devenue au contrôle de tout. Voilà ce que j'appelle la pensée centrale. Maintenant, les autres pensées, ce sont des pensées-formes. Quelle autre question? Oui, maître, mais j'aimerais savoir pourquoi les religieux, lorsque vous parlez de magnétisme, il a tendance à croire des maléfiques. Mais parce qu'ils sont ignorants. Magnétisme, tout est magnétique. Tout est magnétique. Magnétisme veut dire électricité. C'est tout. Tout est magnétique. L'homme est un être électromagnétique. Lui-même, le prêtre ou le pasteur, quand il pose les mains sur le malade, il fait quoi? Il utilise des forces électromagnétiques. C'est ça. Le pasteur, quand il impose les mains sur quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les forces électromagnétiques. Il appelle ça comment? Il appelle ça l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint est une entité séparée, non? Ou bien? Donc, c'est l'ignorance. Ils ont besoin de venir apprendre auprès de ceux qui connaissent. Et puis, on dit quoi? Maître, quelle est la relation entre la méditation et la respiration profonde? sur quoi doit-on focaliser notre pensée durant la méditation? Bien, la différence entre la méditation simple et la respiration profonde, il n'y a aucune différence. J'explique cela dans la méthode de prêt. Pensée, respiration, esprit et toucher. Souvenez-vous, j'ai fait sortir une vidéo sur ça. Donc pour moi, il n'y a pas de grand esprit. Parce que vous ne pouvez pas méditer sans allier la respiration. Les deux vont ensemble. Voilà, justement la question sur la méditation transcendantale, on utilise des techniques de respiration hautement avancées. Parce que c'est cette respiration, un nombre de respirations bien approprié, ça part de 3, 6, 9, ça va toujours avec le nombre 3. Et quand vous faites cette respiration saccadée en rythme bien précis, accompagnée de la pensée, vers le thème choisi dans votre méditation, en ce moment, vous avez créé l'union sacrée pour vous connecter avec le tout. Donc, je répète, il n'y a pas une différence entre une respiration profonde et la méditation. Tout va de pair. Vous ne pouvez pas faire une méditation sans avoir d'abord respiré. Vous ne pouvez pas faire la technique de visualisation sans avoir respiré. Vous ne pouvez pas sortir en vampire ou biloqué, sortie astrale, volontaire ou involontaire, sans avoir respiré. Il vous faut toujours des respirations profondes. Et vous, voilà, ça c'est un initié ça. Ben, effectivement, si vous me parlez de respiration simple, ça n'a rien à voir. Mais quand vous parlez de respiration profonde, ça veut dire qu'il y a deux formes de respiration. Il y a la respiration abdominale et il y a la respiration thoraxique. Et alors, voilà une différence. Mais quand vous faites la méditation transcendantale, pranayama yoga, on utilise beaucoup plus une respiration neutre. Parfois, quand vous êtes au début de l'enseignement du pranayama yoga, vous utilisez beaucoup plus la respiration animale, donc la respiration pranique. Parce que la respiration pranique, c'est au niveau du ventre, au niveau du premier chakra. Donc, il faut remplir le bol du premier chakra. Or, le premier chakra, vous le savez, il est localisé au niveau de votre pénis, donc au bas de votre ventre. C'est là où vous remplissez, et après, boum, ça sort. Voilà, il y a une profonde relation étroite entre la respiration profonde et la méditation. Est-ce qu'on peut utiliser le livre bleu ou remplir son réservoir? Non, le livre bleu, c'est la pratique de la magie au quotidien, des lois naturelles pour bousculer les entités de l'au-delà afin de venir vous aider par des techniques bien appropriées, lesquelles techniques provoquent le mouvement des astres et le mouvement des génies de l'au-delà. Ça n'a rien à voir avec les réservoirs. Vous pouvez pratiquer le livre bleu, mais tout en étant menteur, tout en commettant l'adultère, tout en continuant à coucher les femmes et les gens. Parce que retenez bien que l'objectif de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est pour vous permettre d'éliminer les péchés que vous pratiquez, si vous voulez que je parle en religieux. C'est pour vous permettre de vous éloigner. Je n'ai pas même dit, je ne pouvais pas utiliser le mot éliminer, parce que souvenez-vous, dans la pensée centrale, je vous ai dit, il y a des pensées formes. Je vous ai dit que les démons, on a identifié les démons, qui sont vos défauts. Donc, ces défauts-là, qui sont ces démons, ne peuvent point s'éloigner de vous. Si vous pratiquez la lumière bleue, quand vous pratiquez la lumière sur le royaume et que vous êtes joint au cas, vous faites des enfants à gauche, à droite, vous faites ceci, vous allez dire c'est des accidents, vous faites l'amour sans vous protéger, et en plus, même si vous vous protégez, ce n'est pas normal, parce que cette âme n'est pas à vous. Ce n'est pas une âme délinquante. Parce que les jeunes femmes célibataires qui vendent leur corps, pardonnez-moi l'expression, j'ai un respect pour les mamans, les femmes qui couchent à gauche, à droite, même si elles sont mariées, elles vendent leur âme. Elles sont victimes de vols d'énergie ou encore, elles-mêmes, elles connaissent, elles vont voler les énergies auprès de ces mecs-là. Donc, conséquence, je crois que votre livre bleu, vous pouvez le pratiquer, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qui va forcément vous amener l'éveil, plutôt pour vous amener vers la pensée centrale. Maître, peut-on pratiquer le pranayama yoga en consommant le bois sacré en même temps? Non. Moi, mon pranayama yoga, je pratique ça depuis 1978. D'accord? Et vous verrez, j'ai même eu des problèmes quand je suis allé manger mon bois sacré, parce que les gens me disent, mais toi, tu es déjà maître, tu es déjà éveillé, tu cherches quoi ici là avec nous? J'ai dit non, c'est la tradition de chez moi. Je ne peux pas oser maîtriser les autres traditions sans pourtant maîtriser la mienne. Donc, ne mélangez pas. Oui, quand je dis non, parce que vous avez posé votre question en même temps. Non. Mais par contre, vous avez déjà mangé votre bois sacré. Vous vous êtes déjà initié. Bon, le problème, mes frères bouddhistes sont ici. Moi, je n'ai pas mangé le bois sacré. Là où je vous parle, je ne suis pas sous l'effet du bois sacré. Mais je suis sous le contrôle et l'effet de la pensée centrale, sous le contrôle de l'énergie fondamentale universelle. Parce qu'il y a une unicité entre le soi inférieur, en d'autres termes, entre mon unité dans le tout. Voyez-vous? Maintenant, si, pour pouvoir être dans cet état, celui qui est initié du Bouti, et pour faire ses sorties astrales, pour faire certains travaux, ou même consulter des malades, parfois certains sont obligés de manger d'abord le bois sacré. Attends, il faut que je mange le bois sacré aujourd'hui, là, je vais bien parler un peu aux hommes politiques du Gabon, là. À 10 ans, même. Mais il y a des mecs qui le font. Il va d'abord consommer le bois, maintenant quand il vient parler, il a tout le courage. Non. Vous, vous n'aurez plus besoin de ça. Vous êtes initié du Bouti, maintenant, vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes en Europe, mais vous n'avez pas le bois sacré. Maintenant, la question que vous me posez, puisque le Bouti également vous aide à éveiller, justement, votre réservoir, peut vous aider à renforcer votre réservoir, peut vous aider à éveiller votre divinité, mais pas de manière efficiente, quand vous ne pratiquez pas la véritable méditation transcendantale. Mais consommer le bois constamment, consommer le bois sacré, oui, éventuellement ça peut. Mais normalement, comme j'ai dit, je vais être clair, vous n'allez pas chaque fois consommer le bois sacré, chaque fois. Vous êtes initié du Bouti. Maintenant, après cette initiation, vous pouvez pratiquer la méditation transcendantale. Là, dans ce cas de figure, oui, mais pas en même temps. Parce que moi, j'ai compris en même temps, me dit que tu as mangé le bois aujourd'hui là, et puis tu vas maintenant suivre le machin. Non, non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord vous initier au Bouti. Ou bien au pranayama yoga, comme je l'ai fait. Et quand je suis allé manger mon bois sacré, le voyage a été trop facile. Les gens m'ont dit, mais toi, tu es venu faire quoi ici-là? Pourquoi? Parce que l'éveil de pranayama yoga, c'est l'éveil de vos sept chakras. C'est l'éveil de votre divinité. C'est la symbiose et la relation interne entre votre pensée centrale et la pensée cosmique universelle fondamentale. Donc, par conséquent, vous êtes éveillé dans tous les plans et sur tous les plans. Maître, c'est quoi l'alchimie spirituelle? Vous êtes venu en retard ou bien je parlais de ça? Bon, l'alchimie spirituelle, c'est tout simplement le changement fondamental du craquage du vieil homme qui passe par une dépersonnalisation totalement. Et cette dépersonnalisation, c'est la destruction du vieil homme qui était calqué sur des programmations imposées par les religieux. Et la désindividualisation, c'est tout simplement c'est que la religion qui se charge de vous codifier votre vie vous a imposé une nouvelle individualité, donc un nouveau mode de vie. Vous ne devez plus dire bonjour aux gens. Vous ne devez plus prendre le sang, comme mes parents témoignent de Jéhovah. Vous ne devez plus faire ceci. Vous machin, machin. Peuple, tu n'as même plus le droit de dire bonjour à ton parent parce qu'on t'a enlevé de la secte. Alors, ça rejoint ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que l'alchimie spirituelle, justement, consiste pour vous. Ça veut dire tout simplement un travail alchimique. Vous savez ce que c'est l'alchimie. Balsamo en parle. Je vous prierai de commander les livres écrits de Balsamo aux éditions Bichière ou encore la librairie inconnue. Ils vont bien vous expliquer l'alchimie. Mais dans la terminologie de tout initié, lorsqu'on vous parle de l'alchimie spirituelle, en un mot, c'est le grand travail alchimique que vous opérez en vous. C'est le grand travail mystico-spirituel que vous opérez en vous par l'éveil de votre conscience, par le développement de soi, en vue de l'éveil des qualités et des pouvoirs qui sont endormis en vous. C'est ça l'alchimie spirituelle. Et la destruction du vieil homme. C'est le langage religieux. L'apôtre Paul en parle dans Galates chapitre 5. C'est ça. Bien. Que doit-on visualiser? Bon, la visualisation est une technique qui vous permet justement de voir à partir de ce que vous avez créé et de ce que vous voulez. Par exemple, si vous faites la technique transcendantale de méditation de la boule de cristal, or la boule de cristal représente la grande protection universelle. Vous êtes dans votre hôtel, mais vous sentez une menace. Alors, avant de rentrer dans votre méditation transcendantale, vous créez d'abord un film. Mais c'est ce film que vous créez, sous couvert des images. Et ces images que vous créez là, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Visualiser veut dire créer des vues à partir de votre mental pour vous connecter au symbole auquel vous voulez vous attribuer et vous voulez vous connecter. Pour le cas de la boule de cristal, c'est le symbole de la protection universelle contre toute forme d'attaque, même diabolique. Voilà, c'est ça. Autre question? Maître, c'est quoi la triade supérieure? La triade supérieure, c'est un langage kabbalistique. C'est dans la kabbale qu'on utilise le mot triade supérieure. Triade supérieure veut dire, c'est le triangle supérieur. Mais pourquoi on l'attribue ce nom spécial de triade supérieure? Mais c'est tout simplement parce que c'est un triangle qui n'a pas les mêmes rôles, qui n'a pas les mêmes dénominations, qui n'a pas les mêmes pouvoirs que les triangles inférieurs. car le premier triangle qui est au sommet, au niveau de notre corps, c'est le triangle qui part. On ne fait jamais ces histoires-là assis, pardonnez-moi, c'est la tradition juive qui me l'exige. Donc, le premier triangle, disais-je, c'est celui qui se situe ici, d'accord? À partir de date, votre tête, qui est le support de transfert de l'énergie à partant de la triade supérieure, donc le triangle supérieur. Donc, le triangle inférieur qui parle de Rebourra, c'est différent. Ensuite, vous avez un deuxième triangle qui est le triangle qui parle de Honetso, Yeso. Voilà les deux triangles inférieurs. Bon, le triangle supérieur, c'est celui-là qu'on appelle la triade. Voilà. Et ça, vous m'avez demandé ce que c'est. C'est ça, c'est, la c'est là-bas où se manifestent tous les pouvoirs qu'on ne contrôle pas, qu'aucun humain ne peut vous dire. C'est-à-dire que c'est là-bas où le pouvoir dédié, celui que vous appelez Dieu, vient. Et là, on ne rentre pas là-bas. C'est juste d'attraper un arrêt cardiaque. On continue. Vous me posez une question hors thème. Okay. Est-il déconseillé à la femme de faire le rite de renvoi pendant sa période de purification mensuelle? Aucun rite kabbalistique, aucun rite magique, aucun rite, quelle que soit la loge, ne vous est autorisé d'être fait quand vous êtes dans le sang. S'abstenir de toute pratique magique lorsque vous êtes en période de menstrues. C'est tout ce que je peux vous dire. Maître, peut-on conjurer le karma, quels que soient les défauts ou encore actes ou péchés qu'on a posés dans sa vie? Bon, moi je ne sais pas, conjurer. Vous avez des termes trop forts, Dominique. Vous pouvez m'expliquer votre français là. Bon, en d'autres termes, vous voulez quoi? Faire appel à votre karma, quels que soient les défauts. Ce que je peux vous dire par rapport à votre question. La loi du karma, comme le dit, c'est une loi de talion. Action égale action. Manioc égale manioc. Le karma ne va jamais dire non. Le verre va devenir le ballon. Ou bien le chapeau va devenir un chapelet. Non. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous avez fait ne correspond. Le prix que vous récoltez, c'est par rapport à ce que vous avez fait. Vous tuez les gens. Voilà pourquoi je vous parle de la technique de la substitution. Vous avez tué. Eh bien, arrêtez de tuer. Faites le contraire. Bon, bien sûr, vous devez être puni. Parce que tout est là. Vous êtes l'équilibre, n'oubliez pas. Vous êtes l'équilibre de cette balance. Du mal et du bien. Vous avez fait le mal, il faut savoir créer l'équilibre de ça. Mais le mal que vous avez fait là, c'était pour faire quoi? Est-ce que c'est pour le bien? Parce que le mal, je l'ai toujours répété, moi, je ne suis pas un lâche. Quelqu'un qui va oser me faire du mal, je le lui rendrai. La loi divine me le permet. Parce que l'homme a le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Bon, par contre, il y a des gens qui m'ont demandé, oh non, est-ce que tu peux nous aider à tuer quelqu'un? Je vous ai offert le rite. Le rite s'appelle comment? Comment en finir avec le sorcier le plus dangereux, non? C'est le rite de l'ail et le vinaigre. Je vous ai montré la technique. Mais moi, je ne vais pas le faire à votre place. Bref. Sur cette question de karma, donc, retenez bien que le karma, c'est une loi, on ne peut pas tricher. Et ça s'applique même, je crois que c'est le mot qu'on devait même utiliser même au sein des églises, au sein des cathédrales, je ne sais pas, des mosquées. Parce que les gens, on dirait que la religion, c'est un club. Pourquoi c'est un club? Parce qu'ils vont, alléluia, Jésus dit, hein, ceci, on ne doit pas forniquer. Mais toi, sœur, quand on te dit, il ne faut pas forniquer, mais pourquoi tu acceptes que le pasteur te touche? Pourquoi tu acceptes que tu vas faire des veillées, des prières dans le noir? Pourquoi tu acceptes d'avoir un copain? Parce que c'est ça la fornication. Ne t'autorise pas d'avoir la machin. C'est ça la fornication. Ça ne t'autorise pas d'avoir un copain ou une copine. Donc, voyez-vous... Ah, ça là... Ah, tatignambi. Bon, donc sur votre question du karma, il faut savoir que tout acte que vous sémez, vous allez récolter les fruits. Bon, car certaines portes que l'on devait... laisser fermer, nous reste indélébile. Bon, oui, le karma peut fermer, bien sûr, oui, le karma le ferme. Le karma le ferme, mais maintenant, la question que vous me posez, c'est quoi? Est-ce qu'il y a-t-il possibilité de faire un revirement de ma vie? Oui, et c'est pour cette raison, hier, ça rejoint ce que je vous disais hier sur ma page Facebook, je vous disais quoi? Pardonnez-moi, il me faut de l'eau. Je vous disais que vous pouvez modifier votre destin. Parce que le destin, c'est ce camouflage du karma. Voilà, le karma, c'est le camouflage de votre destin. Non, non, non, non, non. Pardon, merci de me corriger. Je remercie les entités. Pardon, je dis une bêtise. Je voulais dire ceci que le karma fait partie des éléments qui contribuent à votre destin, ou négatif ou positif. D'accord? Donc, il y a possibilité de changer pour vous permettre d'être mieux. Oui, votre karma peut être modifié. Je ne sais pas si je réponds vraiment correctement à votre question. Votre karma peut être modifié, mais à partir de ce que moi j'ai appelé le mouvement de rectitude. Et j'en ai parlé également sur ma page Facebook. Vous passez dans le mouvement de rectitude veut dire que, bon, rectitude veut dire rectifier, changer, demander le pardon, implorer le pardon, regretter amèrement ce que vous avez fait. Mais le karma toujours va vous frapper, mais de manière allégée. Voilà pourquoi on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. On n'a pas dit qu'une faute avouée est pardonnée totalement. On dit bien une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais ça veut dire que le karma, si vous voulez rectifier, vous passez par l'école de la rectitude, oui, le karma va dire, bon, mais monsieur Mandiango, vous étiez un général qui aimait mater les gens, mettre les gens en prison n'importe comment. Ok. Puisque vous avez confessé au vêtement, vous avez demandé pardon au peuple, vous avez fait une confession. Oui, vraiment, je regrette, j'ai tué les gens, je ne vais pas le faire, pardonnez-moi. Bon, les parents des gens là, les parents des enfants que j'ai tués là, venez au pardon, je vais vous demander pardon, acceptez mon pardon. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais là, le karma va vous alléger. Le karma, je dis bien, va vous alléger, mais ne va pas enlever tout. Parce que tout est enregistré dans ce qu'on appelle les archives akashiques. La mémoire des souvenirs, le grand tiroir des souvenirs. Le livre des livres, le livre des souvenirs, le livre de vie dont en parle le prophète Jean dans la Révélation chez les chrétiens. On continue, je crois qu'on va peut-être arrêter. Waouh! Maître, s'il vous plaît, c'est quoi la bulle vibratoire entre le. Hein? Est-ce que moi je parle de bulle vibratoire ici là? Vous êtes sûr? C'est quoi la bulle vibratoire? Et en elle, en est-elle utile dans la vie d'un être humain? Je ne sais pas ce que vous appelez une bulle vibratoire. Moi, ce que je sais, c'est que vous, en tant qu'être humain, il vous est recommandé de travailler dur en vous, de créer des mécanismes, des disciplines, des constances dans le travail du développement de soi, individuel d'abord et ensuite universel. Donc, individuel veut dire éliminer tous vos défauts là. Utilisez-moi la technique de la croix, le défaut que vous avez. Les machins que vous... Maintenant, si vous avez des difficultés, je vous ai dit, contactez-moi en privé. Je le fais aux gens. Ça s'appelle l'étude complète, identificatif de vous connaître en profondeur, de voir vos défauts, vos qualités et tout ça. Le livre-là, je l'ai mis où je ne sais même pas. Voilà, j'ai prêté ça à un ami américain là, parce que c'est en anglais et en français. Donc, c'est ça. C'est ce que je peux vous dire hein, à ce sujet-là. Donc, cette bulle vibratoire, bon, moi, je crois que je ne sais pas, vous voulez parler de l'auréole, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aura, si c'est ça que vous voulez parler. Bien. Vous nous conseillez la Kabbale pour un début de connaissance, ou bien vous me demandez si je dois vous conseiller la Kabbale. Bon, moi, je suis traditionnel, hein? Je suis traditionnaliste africain, moi, je ne sais pas. Hein? Vous voulez que je vous conseille d'aller dans une histoire de Kabbale. Les Kabbales, là, c'est compliqué, où? Moi, je vous dis, si vous voulez vous aventurer là-dedans, bon, je peux vous donner des conseils, oui et non. Là, vous qui me posez la question, vous n'êtes pas au Gabon, vous n'êtes pas en Afrique, bon, je vous comprends. Oui, oui, oui, vous pouvez commencer par la Kabbale. Il y a des livres qui vous sont recommandés. Monsieur France Bardon a écrit certains livres de l'initiation solaire, des histoires de Kabbale. Les éditions Bussière, ils en ont plein. Aziel en a écrit plein sur les histoires de Kabbale. Il peut vous initier, oui, oui. Il y a les initiations qui existent, il y a les écoles. Ici aux États-Unis, j'étais à l'école de Madame Jane Fonda et de Madame Madonna. Ils ont la plus grande école initiatique de la Kabbale ici. Bonsoir maître. Peut-on être piégé? Voilà, j'ai déjà dit. Peut-on être piégé par des entités démoniaques dans notre méditation? Oui, je l'ai dit là, non? Je l'ai dit. Les gens des religions n'ont pas tort de dire que la méditation c'est diabolique, mais c'est dans ce sens-là. Si vous ne maîtrisez pas bien votre méditation, oui, vous allez être possédé par des entités du bas astral ou encore les pensées de forme, ce que j'appelais les pensées-formes. L'Iboga, peut-il nous ramener jusqu'à l'Égypte ancienne, maître? Oui et non. Oui, si vous avez déjà un niveau initiatique, ou bien vous êtes dans une incarnation consciente très avancée, et que à l'incarnation actuelle, vous êtes vraiment trop avancé, vous avez déjà atteint une certaine maîtrise, oui, ça peut vous amener jusqu'en Égypte. Oui, oui, oui. La réponse est oui. Mais si vous êtes Nyakouin nouveau, c'est votre première prise de conscience ou c'est votre premier niveau de l'éveil de conscience, non, non, non, non, ça ne va pas vous amener là-bas. Consommer le bois sacré quelques minutes avant de méditer. Moi, je ne conseille pas les gens de manger. Le bois sacré n'est pas conseillé pour méditer. Moi, je voudrais que ce soit clair avec vous. Le bois sacré est conseillé uniquement quand vous voulez vous initier. Et c'est un initiateur qui vous donne cette potion-là pour que vous la consommiez à un dosage bien étudié et mesuré. Maintenant, si vous allez manger ça n'importe comment pour vouloir méditer, bon, à supposer que vous ne maîtrisez pas bien la méditation transcendantale, maintenant vous mangez, vous allez maintenant sortir de votre corps et vous allez vous faire buter par des voleurs des esprits ou des voleurs d'âmes ou des âmes qui, dans ma vidéo sur la mort, je vous explique qu'il y a des âmes désincarnées qui pleurent de revenir immédiatement parce qu'ils ont été arrachés de l'heure de manière brutale. Et parmi eux, c'est des sorciers. Maintenant, ils voient votre âme, là, vous êtes dans la méditation et l'iboga a provoqué votre sortie. Vous n'êtes pas contrôlé par un imam, vous n'êtes pas contrôlé par un ganga. On fait comment? Donc, moi, je ne vous conseille pas ça, s'il vous plaît. L'iboga, priorité numéro une, c'est utilisé pour les initiations, non pas pour des petites sensations, pour son propre plaisir. Maître, j'aimerais savoir comment et quel est le nom du Créateur. Est-ce que Dieu, c'est véritablement le nom du Créateur? Non! Dieu n'est pas le nom du Créateur. Ce n'est qu'un titre attribué. Nzamba Kana, c'est les noms qui lui sont semblables, des attributs. Voyez-vous? Chez certains, on l'appelle Yahvé, chez d'autres, chez les Juifs là-bas, YWH. Mais je vous signale que la tradition ancienne ne nous recommande pas de prononcer le véritable nom de Dieu. Mais nous pouvons nous adresser à lui à travers des noms attribués, des attributs, on appelle. Ces noms attribués, par exemple, d'Ibangabanga, c'est un attribut de Dieu, Tatanzambe, Nzambe, d'Ibangabanga. D'Ibangabanga, c'est l'attribut du grand créateur, le créateur de tout. C'est ce que ça veut dire, d'Ibangabanga. Donc, le nom Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas son nom. Non, on ne nomme pas. Il est innommable et innommé. Les anges gardiens sont qui réellement? Bon, ça, vous me parlez d'autres questions. Les anges gardiens, c'est des créatures, il faut les découvrir. Ça demande encore un autre enseignement. Ah, modifier leur nom, Saint-Michel, Saint-Raphaël. Non, ce ne sont pas des saints. Ça, vous faites, les noms que vous me citez là, ce sont les quatre archanges ou les quatre grands génies. Ben, vous m'avez cité trois, mais ils sont quatre. Mais ils nous m'ont interdit de prononcer en tant qu'initié de la Kabbale. Quand on parle de ces entités, je vous le dis, c'est la tradition de la Kabbale qui nous exige qu'il faut toujours se mettre debout. On ne reste pas assis, par respect. Donc, les quatre entités que vous venez de me citer là, je ne vais pas les reprononcer, c'est interdit. Sauf si je n'étais pas face au public. Et en plus, ils ne sont pas prononcés tels que vous les prononcez. Ils sont prononcés de manière différente, bien que ça commence par les lettres G, M et ainsi de suite. Ces quatre entités, ce sont les quatre génies. Ce sont les quatre archanges qui gardent les quatre coins de la terre. Dans les grandes méditations transcendantales, nous avons pu les détecter. C'est vrai. Ils ont participé à la destruction et à la reconstruction de beaucoup de mondes avant nos mondes. Oui, ils sont quatre. Et ce sont eux qui gardent les quatre coins, les quatre vents de la terre, de l'est à l'ouest et du nord au sud. Mais à vous en dire plus, je n'en dirai pas. Pardonnez-moi. Ce n'est pas que je suis ignorant, mais on ne m'autorise pas. On ne blague pas avec la science de la Kabbale. On y va. On dit quoi? Vous voulez une consultation de moi? Vous voulez consulter quoi là? Les marabouts vous ont dit quoi, Dominique? Quelle consultation vous voulez? L'étude complète là de votre nom, comme ça vous allez voir si le réservoir est troué ou bien vous allez changer pour modifier, souder ça et puis voilà, vous évoluez pour manifester votre pensée centrale. Oui, il n'y a pas de problème, vous prenez rendez-vous. Ah, monsieur Lumbubeya de la RDC, d'accord. Vous voulez un enseignement sur la bilocation? C'est déjà fait, c'est ici. Est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne? Il y a un enseignement intitulé « Les bienfaits et les méfaits de la sortie astrale ». Sortie astrale veut dire bilocation ou sortir en vampire. Ça, c'est ce qu'on dit chez nous au Congo et au Gabon. Bon, quel est l'apport de la méditation sur la transmutation sexuelle, s'il vous plaît? Ça là, ça dépend. Vous voulez quel apport là? Vous allez maintenant méditer pendant que vous faites le sexe? Non, non, non, non. Oui. Il y a un rapport, mais ça, je ne peux pas... C'est très technique, ça. Même mot risque de vous piéger, et les mots-là risquent de créer la confusion. Ok? La transmutation sexuelle, c'est le synonyme de la transformation de l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. La méditation et la respiration y sont associés. Si vous voulez que je parle comme ça. Je répète, la transmutation ou la transformation de l'énergie sexuelle en énergie spirituelle fonctionne avec la respiration et la méditation. Oui, ça va ensemble. Tout comme le Kama Sutra Yoga, la plupart, même la sexualité en elle-même, vous ne pouvez pas avoir des activités sexuelles si vous ne maîtrisez pas la respiration. Vous n'avez pas besoin des adjuvants ou des anabolisants sexuels tels que les Cialis ou bien, je ne sais pas moi, les pilules bleues ou les Viagra. Non, vous n'en avez pas besoin. Il faut savoir contrôler votre respiration. Il y a des positions au niveau du plan pelvique, donc au niveau du bas, au niveau des rondelles, des degrés, 360 degrés ou 60 degrés, la manière de tourner, comme on dit chez nous, tourner les reins ou quoi. Toutes ces histoires-là accompagnées de la respiration, oui, dans ce cas, il y a un rapport. Parce que la respiration vous permet de mieux contrôler votre transmutation sexuelle, mieux contrôler votre sexualité et mieux satisfaire votre partenaire, si possible, durer des heures et des heures, et ainsi de suite. Si c'est ça, là, mais là, je ne suis qu'en train d'approfondir, là. Les rêves, moi, je ne viens pas interpréter les rêves ici, là. Ça a beaucoup de signification, pardon. Oui, c'est probable, oui. Orlando, en Floride, oui. Il y a un centre. Moi, je n'encourage pas les gens. Le vrai Bouité, il faut aller vous initier au village, il faut aller vous initier au Gabon. Les histoires qu'on fait aux États-Unis, à New York, là, il y a un centre qui existe bientôt 50 ans. C'est de la main. C'est plutôt... pardon, je préfère me taire. Moi, je vous encourage d'aller au village. Maître, je suis le 666, pas mon jour de juin de naissance. Est-ce que c'est un danger? Ça n'a rien à voir. Oh, comment ça? Moi, mon petit frère était aussi 666. Il était né le 6 juin 1966. Moi, je suis né le 6 juin 63. Donc, on se suit. On est 666. Où est le danger? Je suis maintenant un démoniaque. Laissez-moi les histoires là de la superstition, s'il vous plaît. Bien, que Tétan Mwanga vous bénisse. On a fini cet enseignement. Je vous remercie tous d'avoir assisté. Je constate qu'il n'y a pas beaucoup du monde parce que, effectivement, c'est un enseignement trop compliqué, trop fort. Mais en réalité, l'homme n'aime pas la vérité. C'est-à-dire que quand on parle de comment éliminer les défauts pour éviter de faire le désordre, voilà, les hommes n'aiment pas ça. On va dire quelqu'un qu'il ne faut plus mentir, on va dire qu'il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas l'embêter les petites du quartier. Ça, là, il n'aime pas. Donc, je ne suis pas surpris pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, là. Zambakan. Alors, je vous remercie tous pour tout ce que vous faites là, parce que vraiment, vous m'encouragez. Vous m'encouragez beaucoup. Avez-vous d'autres questions? Parce que moi, je vais mettre ma musique pour conclure. Oh. D'accord. Bien, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Et que Tétan Mwanga vous bénisse. Je vous remercie. C'est un enseignement qui a paru un peu trop compliqué pour certains. Mais je vous ai promis que j'avais écrit cet enseignement-là il y a bientôt 4 ans. J'ai écrit ça comme ça. C'était des méditations. Justement, méditation transcendantale. C'était justement sur ces histoires des énergies psychosomatiques, les énergies psychomagnétiques, les énergies psycho... le magnétisme à double polarité, donc avec une énergie négative, une énergie positive, toutes ces histoires-là. Et puis voilà, je partageais avec vous donc mes propres recherches. Vous êtes libre de les accepter ou de les rejeter. Et ici donc, c'est très important de comprendre que ce que je viens de partager avec vous, c'est du domaine de la science. Et puis la science nous permet de pouvoir mieux comprendre la spiritualité. La spiritualité, c'est une science. La science de l'esprit, la science du spirituel, du spirit, tout ce que vous voulez. Le magnétisme psychophysiologique est prouvé jusqu'ici. C'est-à-dire que les pouvoirs psychomagnétiques sont là pour influencer notre vie de tous les jours. Et retenez bien la leçon que je vous ai donnée, que c'est celui qui mène un rude combat et qui travaille vraiment à se vaincre lui-même. C'est celui-là qui doit réussir. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai mené un rude combat et je le fais tous les jours. Et je travaille à me vaincre moi-même tous les jours. par la technique de la substitution. Évitez de massacrer et de manquer de respect à vous-même. Respectez vous-même. Le respect de soi-même veut dire ne modifiez pas vos cheveux, ne modifiez pas vos yeux, ne modifiez pas vos propos, ne modifiez pas, ne modifiez rien, ne modifiez pas vos dents, ne modifiez pas vos sexes, ne modifiez pas vos seins. La science aujourd'hui va vous dire non, on peut allonger, oh, on peut grossir, oh, on peut ceci. Ça, c'est des histoires. Vous finirez très mal. Vous n'avez pas le droit de modifier. Maintenant, s'il y a un petit problème, oui, il y a des techniques spirituelles qui vous permettent, à travers, le Qing Kong, il y a des techniques qui permettent d'allonger des organes, qui permettent de modifier des organes. Spirituellement, je sais de quoi je parle, parce que je l'ai pratiqué moi-même. Avec la permission des lois cosmiques universelles. Mais toute mécanique, toute modification mécanique, toute parole mécanique, c'est-à-dire des paroles sans réflexion, sans pensée, tout ceci, et sans compter tout ce que j'ai cité, tous les démons, nous avons analysé aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion que les démons, ce n'est pas les esprits. Les véritables démons, c'est nous-mêmes. Les démons, là, c'est nous-mêmes. Ce sont nos défauts. Et il faut créer l'équilibre. Il faut faire la technique de la substitution. Il faut tracer cette croix-là, la croix du oui et du non, la croix du négatif et du positif, pour mieux harmoniser les forces. Je vous encourage donc, pour certains d'entre vous qui le désirent, de passer à cette forme de consultation que j'appelle la consultation de l'étude complète. Ça vous permettra de mieux vous découvrir. Et en profondeur même, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc, soyez maître de votre vie. Soyez maître de vous-même et soyez maître de la nature et soyez maître de tout. Et c'est de la sorte que vous pouvez être quelqu'un dans la vie. Parce que celui qui est maître de soi et maître du monde, c'est celui-là qui héritera le royaume des cieux, a déclaré notre parent Horus. J'en ai terminé. Pardonnez-moi. C'est des Les gens qui viennent. Bénisse et je vous souhaite un bon week-end. D'ici là, portez-vous bien et il y aura la suite de cet enseignement. Je vais beaucoup plus vous gâter en termes de pratique. Il y a beaucoup d'exercices pratiques. La prochaine fois, ce sera purement pratique parce que là, on a fait une grande théorie et donc je vous remercie d'avoir participé, de poser des questions et pardonnez-moi pour ceux-là dont je n'ai pas pu répondre parce qu'il y a certaines questions. Par exemple, quand vous me parlez tout le temps de l'histoire des miroirs, mais les miroirs noirs, je vous ai toujours dit que je n'aime pas répondre à ces questions-là. Parce que je ne peux pas enseigner, je ne peux pas enseigner quelque chose que moi je ne crois que pas croire, que, qui m'a créé du tort. Voilà pourquoi il y a certaines questions, vous voyez, je ne réponds pas. Telles que les histoires des murs, miroirs noirs, ou bien les heures noires, ou, il y a beaucoup de choses. Parce que j'ai fait le tour de toutes ces sciences-là. Donc, portez-vous bien, que Titamonga vous porte, et soyez bénis. Merci encore, merci, merci, merci, merci, merci, merci encore, merci, merci.